بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On continue toujours avec notre livre sur Ahkam wa Adab al-Salam. Donc nous sommes arrivés au chapitre Al-Qiyam lid-dakhili 'inda as-salam 'alayhi. Donc le fait de se lever pour celui qui entre, lorsqu'on veut le saluer, lorsque quelqu'un entre dans une pièce par exemple, comment on fait? Donc bien sûr, dans ce sujet, on risque de trouver quelques divergences chez les savants. Donc avant de parler de cela, il faut savoir que ces divergences, elles sont venues donc par rapport à des façons de comprendre le texte. Donc ici, c'est une question de fahm an-nusus, du fait de savoir comment les ulama ont compris les textes dans ce sujet-là. Et à partir du moment qu'il y a khilaf chez les ulama, et tous ces savants, malgré leur divergence, usent et utilisent les mêmes textes, mais simplement la compréhension est différente. Donc ici, on appelle ça donc masa'il ijtihadiyya. Donc ce sont des textes où il y a effort d'interprétation. Donc il n'y a pas d'inkar dans cela. Et à partir du moment que c'est effort d'interprétation, c'est-à-dire que si quelqu'un fait contraire de toi, si quelqu'un ferait le contraire de toi, tu ne peux pas lui dire qu'il a faux, car il a des savants pour pouvoir en vérité appuyer ce qu'il fait. Donc ça, c'est un interdit qui est inkar, le fait de réprimander quelqu'un qui ferait donc le contraire de ce que tu fais dans ce sujet-là. Et aussi, dans les sujets où il y a divergence, comme dans ce cas, on ne demande pas d'expliquer tous les détails aux gens, afin de ne pas les égarer, de ne pas les laisser en vérité dans le brouillard. Aussi, toujours par rapport aux règles, à savoir, lorsqu'il y a khilaf, c'est de savoir qu'on doit aussi donc respecter et prêter attention à une règle religieuse qui est donc إذا تعارض مفسدة روعية أعظمهما ضرارا بالارتكابها بالارتكاب أخفهما. Donc lorsqu'on se rend compte qu'il y a par exemple deux choses qui sont mauvaises et que l'on doit choisir l'une des deux, donc on choisira celle qui sera donc la moins mauvaise des deux. Si on doit se retrouver obligatoirement à choisir deux choses mauvaises, on prendra donc celle qui est en vérité la moins mauvaise. Ainsi que la règle qui ressemble à celle-ci, lorsqu'on dit Dar al-mafasid awla min jalb al-masalih, c'est-à-dire le fait de repousser et de rejeter un mal passe avant le fait de vouloir acquérir un bien. Tu vas acquérir un bien, mais dans ta façon d'acquérir ce bien, tu dois passer par un mal. Donc ce bien, tu le délaisses. Parce que si tu ne le prends pas, ce n'est pas un problème. Ça ne va rien changer pour toi. C'est comme si on disait, alors c'est le mel, il reste là. Ton pécule d'origine, il reste là. Mais tu vas prendre un bien en faisant du mal, donc ce n'est pas bien. Donc tu ne le prends pas ce bien-là. Parce que le fait de ne pas le prendre, ce n'est pas grave pour toi, il n'y a rien. C'est comme si on disait, par exemple, il vaut mieux protéger le pécule d'origine, alors c'est le mel, plutôt que de le perdre. C'est ça, tout simplement. Donc, bien sûr, les ulama, ils ont été, comme on l'a dit, donc en divergence vis-à-vis de cela. Certains ont dit, donc certains ont vu qu'il est permis de se lever dans tous les cas. D'autres disent que c'est interdit et c'est selon en vérité les personnes. C'est selon en vérité la compréhension du hadith. Donc, on va parler du premier sujet, al-qiyam ou al-rajuli. Le fait de se lever lorsqu'un homme entre dans la mosquée ou dans la maison, dans l'endroit où tu es, dans l'assise. Donc il faut savoir que des fois, donc les gens se levaient. Les gens à l'époque, par exemple, même maintenant encore, les gens se levaient si un homme entrait. Surtout si cet homme, c'était par exemple, c'est le roi, hein, c'est un ministre, c'est ceci, c'est quelqu'un d'important. Les gens se lèvent. Et de cette façon-là, l'islam l'a interdit, le fait de se lever pour une personne comme ça. L'islam l'a interdit. Il y a un hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu ta'ala anhu, qui rapporte, donc il dit, ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fasallayna wara'ahu wa huwa qa'id, wa Abu Bakr yusma'u nasa takbira, فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. C'est un hadith rapporté donc par l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu mal. Et il a présidé la prière. Et nous avons prié derrière lui, alors que lui, il était assis. Et Abu Bakr, donc, levait la voix. C'est lui qui disait Allahu Akbar. Hein, c'est lui qui disait, donc, qui prononçait le takbir, afin que les gens entendent. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était, donc, il n'était pas donc, en bon état, il était malade. Il se plaignait d'un mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est retourné vers nous. Et il nous a demandé donc de s'asseoir. Car lui-même, celui qui préside la prière, s'il est assis, que font ceux qui sont derrière lui? Il s'assied comme lui. Donc déjà, il s'est retourné, il a vu, et il a demandé aux gens de s'asseoir, en faisant un signe. Donc on l'a prié comme lui, de la même façon, assis. Et lorsqu'il termina sa prière, lorsqu'il prononça le salut final, il a dit, certes, vous alliez faire donc un acte que faisaient les Perses et les Romains. Les Perses et les Romains, ils se lèvent pour leur roi alors qu'ils sont assis. Donc le roi rentre dans l'assise, imaginez-vous, ils sont assis et le roi se lève. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a quoi? Il a considéré cet acte-là à l'acte des gens de Rome et des gens de Fares. Alors qu'ils étaient assis, ils se lèvent pour lui. Vous voyez? Parce qu'ils vont faire le sujet de la khélé, et après, lui, il va rester assis, et eux, ils vont rester debout. Donc, ça ressemble à quoi? Ils vont être debout. Hein, ils vont se lever, alors que le professeur, il reste assis. Ça va ressembler en vérité à quoi? À justement, à cet acte-là. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qu'on adore Allah Azza wa Jal seul, sans associer. Donc, ça a à voir en vérité avec le tawhid, l'unicité. Afin de ne pas exagérer sur les gens. Afin que cela n'entre pas dans l'exagération des gens. Donc c'est quoi? C'est adorer Allah seul. Et ne pas placer les gens au-dessus de tout. Non. Donc déjà ce geste-là, ce n'est pas un geste en vérité qui ressemble en plus au geste des musulmans. C'est un geste qui existe chez les autres religions, mais pas chez nous. Donc il dit, et ne faites pas, fala taf'alu, ne le faites pas. Donc c'est une interdiction de le faire. Et bien sûr, yustafna, ذلك ما إذا كان القيام للفائدة قال ابن مفلح في الأدب وأما القيام لمصلحة وفائدة فقيام معقل ابن يسار يرفع غصنا من شجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يعني وقت البيعة رواه مسلم والقيام أبي بكر يظله من الشمس فمستحب. Donc il dit ici, donc on voit que le fait de se lever alors que les gens sont assis, c'est interdit. Sauf s'il y a une raison. Sauf s'il y a une faïda. Donc Ma'aqal ibn Yasar a levé en vérité, donc il a levé quoi, une branche qui gênait en vérité le prophète donc, qui était sous l'arbre. Lorsqu'il y a eu le bay'at, hein, tahta shajara, lorsqu'il y a eu l'allégeance en dessous de cet arbre. Donc il y avait une branche qui gênait, qui était en vérité proche de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a levé, donc il a en vérité, donc il a débarrassé, donc... cette branche-là, Marqal. Ainsi que Abu Bakr Sadiq s'est levé aussi pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a une raison, à ce moment-là, ça devient permis. C'est mustahab, c'est donc c'est recommandé. On a vu pour ce qui est Al-Qiyam bi-Rajul, Al-Rajul, le fait de se lever pour un homme. Donc il n'y a pas de raison, on ne le fait pas. Il n'y a pas de raison, on ne le fait pas, de façon générale. Deuxième point, Al-Qiyamu litahni'a ou ta'ziya. Donc le salut, donc le fait de se lever pour lorsqu'on veut مثلا, féliciter quelqu'un ou quoi, ou le fait en vérité donc de lui faire la dua s'il y avait donc si la personne avait été affligée d'un malheur comme un mort dans la maison ou quoi, Donc ça, c'est le qiyam qui est ja'iz. Cette façon de se lever, elle est permise. Maintenant que c'est permis. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طلحة ابن عبد الله على قيامه لكعب ابن مالك تهنية له بتوبة الله عليه وهذا نص شاهد من القصة. Donc Ka'b dit, donc Talha s'est levé pour Ka'b lorsqu'il a fait Tawba. On va voir l'histoire. Donc Ka'b dit, حتى دخلت المسجد. Ka'b, il fait partie des trois qui ont, donc ils n'ont pas été dans la Ghazwat Tabuk. Et on connaît que Ka'b donc a invoqué énormément Allah Azza wa Jal. Et puis Allah Azza wa Jal donc a accepté son repentir, qui en vérité est un exemple. Donc dans l'islam, son repentir, c'est un exemple parmi les exemples du repentir dans l'islam. Il dit, حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يرهو حتى صاحفاني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها للطلحة. Donc il dit, certes, jusqu'à ce que je suis entré dans la mosquée, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis dans la mosquée et autour de lui des personnes. Et Talha ibn Ubaidillah s'est empressé, hein, qu'il a trottiné afin de me serrer la main et de me féliciter. Et wallahi, personne parmi les muhajirin, donc les gens de Médine, s'est levé à part lui. Donc personne d'autre que lui s'est levé. Et Ka'b n'a jamais oublié l'acte de Talha. N'a jamais oublié l'acte de Talha. Qu'est-ce qu'il a fait Talha ici? Il s'est levé. Il était donc assis. Il s'est levé et il est parti le voir dans la mosquée et il lui a salué. Donc il lui a serré la main. On l'a bien vu hier par rapport à ça. Il lui a serré la main et bien sûr aussi, il lui a félicité. Donc de son repentir. Donc il lui a félicité. Il l'a félicité. Et donc le contraire aussi, Ta'ziya, c'est permis. Donc de la même façon, si maintenant tu allais voir quelqu'un, tu sais que la personne entre dans la mosquée et un malheur lui est affligé et que tu vas le voir pour lui faire la doua. Donc tu pourras te lever et aller le voir. Donc le fait de te lever vers lui, c'est permis. En ce moment-là, ça sera permis. Non. Donc ils disent, en vérité, donc c'est un qiyas, c'est en vérité, c'est une analogie. Le fait qu'il est permis de féliciter quelqu'un dans un bonheur, il est permis aussi de quoi? D'aller voir quelqu'un, d'aider quelqu'un, en vérité, de consoler quelqu'un dans son malheur. Troisième point, le fait de se lever pour aider quelqu'un qui est en état d'incapacité. Il est en vérité, il est vieux, il est fatigué, il porte quelque chose de lourd. Moi, tu vas te lever pour quelque chose. Donc ici, il y a une faïda. La personne en vérité est en difficulté. Et ça, c'est mustahab, c'est recommandé. L'imam thabata fi musnad l'imam Ahmed, an Aishata radiallahu anha, fi qissati bani Qurayza. وفيه فقال أبو سعيد فلما طلع يعني سعد ابن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر سيدنا الله عز وجل قال أنزلوه فأنزلوه فقال الحافظ ابن حجر بسند يعني سنده حسن. Donc ici l'histoire c'est donc après l'histoire de Bani Qurayza, donc une bataille parmi les batailles avec les juifs Bani Qurayza, donc ce sont une des trois tribus juives qui vivaient à Médine. Et on sait que donc le jugement de ce châtiment qu'ils ont reçu, c'est le jugement de Sa'd. Et bien sûr le jugement de Sa'd, et c'est eux qui ont choisi Sa'd pour qu'il soit juge pour eux. Non, il a jugé ce dont, hein, avec le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et ici, Mouad, donc, lorsqu'il est venu, tout en sachant qu'il a été blessé, tout en sachant qu'en vérité, donc, ça, il est venu, et lui ont dit, donc, levez-vous pour votre chef de tribu. Votre chef de tribu. Omar a dit, notre chef, Sayyiduna, c'est Allah Azza wa Jal. Et on sait que Sayyid, si on parle, si en vérité, on mentionne le mot Sayyid, sans donc l'associer à quelque chose, à un objet ou à une tribu ou quoi, on sait qu'on parle d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu dis Sayyid al-Qabila, donc le chef, ça veut dire on sait que c'est le chef de la tribu. Sayyid al-Sayyara, c'est le chef, donc c'est le propriétaire de la voiture. Sayyid al-Bayt, c'est en vérité donc le propriétaire de la maison. Parce qu'on l'associe à quelque chose, à un objet, ou à un endroit, ou bien à une chose. Lorsqu'on parle de façon générale, brute, hein, on sait qu'on parle de Allah Azzawajal. Si on dit Sayyid, tout simplement, c'est Allah Azzawajal. Si on dit, il est permis de dire Sayyid à la personne, si, bien sûr, on va automatiquement le raccrocher, le rattacher à quelque chose. Ou à une tribu ou quoi. Donc là, on voit qu'ils l'ont aidé. Pourquoi? Parce qu'il a été touché, il a été blessé. Quand est-ce? Fil-Khandaq. Hein, donc, dans la bataille du fossé. Fil-Khandaq, donc l'endroit qui est en vérité, là où ils appellent ici à Médine, Al-Sab'a. Et en vérité, ceux qui entendent, les personnes âgées qui ont fait le Hajj ou la Omra, lorsqu'ils entendent Al-Sab'a Masajid, sachez qu'il n'y a pas de Sab'a Masajid dans l'islam. Comme ils disent, Masjid Aïcha. Aïcha avait une mosquée, Aïcha a fait l'imam. Est-ce qu'il y a dans l'islam une femme qui fait l'imam? Là. Est-ce qu'on a vu depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant une femme qui vient, qui rentre et qui prise la prière chez les gens? Masjid Aïcha, Masjid Foulen, Masjid Foulen, Walesh. Ils étaient en division pour qu'ils ont une mosquée dans une seule montagne de rien du tout qui fait même pas hein, 300 mètres carrés ou un peu plus, vraiment c'est pas grand. Et chacun a sa petite mosquée. Pourquoi ils étaient en train de se manger? Ils se détestaient au point où chacun faisait sa mosquée. Un chir, il dit, mon grand-père, il n'a pas connu ces mosquées-là. Elles n'existaient pas. Un autre professeur disait ça. Mon grand-père a dit qu'il ne connaissait pas cette mosquée-là à Médine. Donc c'est en vérité, c'est ce qu'on appelle en vérité, c'est là le Khandak. Khandak, c'est la droite, c'est où il y a une montagne. C'était en vérité considéré comme en dehors de Médine. Maintenant, c'est totalement à l'intérieur de Médine. C'est totalement à l'intérieur de Médine. C'est du côté donc sud-ouest. C'est du côté sud-ouest de Médine. C'est totalement à l'intérieur. C'est le Khandak. Pour ceux qui y connaîtraient, qu'ils entendraient un jour, si les gens les prennent dans le bus quand ils font le Hajj ou la Omra, et qu'on les ramène faire le parcours, hein. Donc le ziyarat, ce qu'ils appellent le ziyarat, ils vont vous ramener là-bas au Sabah. Sachez que Hadas, ce n'est pas une sunna. Parce que ça n'a jamais existé dans l'islam, à Kulli Hal, c'est mosquée. C'est pour ça que les ulama, ils disent Sabah bida. Hein. Donc les 7 bida, au lieu de dire les 7 mosquées, ils disent les 7 bida. Non. Parce que là, ça vient de l'islam fiché. Yanni, tu ne trouveras pas ça qu'il n'y a pas longtemps. Là, ça ramène de l'argent. Ça fait ceci, ça fait cela. Donc les gens, ils ramènent. Le taxi, mais il arrive. Le taxi, c'est un vieux, c'est un ami, il prend, il va te monter dans son taxi, il va te faire le tour de tout ce qu'il y a, tout ce qui est connu. Il ne sait même pas le sanad de ça, il ne sait même pas si ça existait en islam ou pas. Mais il le fait. Lui, il y a un parcours à faire, il le fait. Mais crois-moi que si tu lui dis je ne le fais pas, il ne te demande pas mieux. Il gagne du temps. Il pourra te déposer plus vite et prendre quelqu'un d'autre plus vite. Donc lui, ça le fait gagner du temps, ça l'arrange. Mais le musulman, il doit savoir qu'il doit parler. Et ça, en vérité, ça revient à qui? Ça revient au tawafil. Ça revient à ceux qui prennent les gens au Hajj ou à la Omra. Adatel, c'est des djouhel. Ce qui les intéresse, c'est vous ramener au Hajj et la Omra. Ils ne savent pas comment vous. C'est bon, j'ai pris un groupe de moutons. Je leur fais le maximum, c'est-à-dire vraiment le strict minimum. Et le rite, ce n'est pas grave. Mais fils sunna, il n'y a pas d'imam pour les aider. Tout simplement. Adatel, ça, nul djellid. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Surtout pour les gens qui ont entendu massacrer toute leur vie pour faire un seul Hajj dans leur vie et on leur faire faire un Hajj qui est malhonnête. Et ça, c'est grave. Et ces gens-là, ils vont payer devant Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal leur donne beaucoup d'argent. Alors là, c'est pas parce qu'ils les aiment bien. C'est justement pour les enfoncer. Ils ramassent énormément d'argent et croyez-moi que c'est pas pour un bien. Non. Donc ici, on voit que le Qiyam, il a été donc même ordonné. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a ordonné aux compagnons de quoi? De se lever, en vérité. Non. Il s'est levé, donc ici. Et là, bien sûr, il y a donc. Donc, ça, c'est par respect à la personne qui était âgée. Et en vérité, donc, c'est pas une obéissance, dans le sens où, comme si c'était un sayyid, et que ça va ressembler à qui? À la tariqa tasawwuf. Hein? Comme les soufis. Lorsque quelqu'un il vient, il se lève, il embrasse partout, ils font des courbettes, là, ceci, cela. Ou bien, hein, chez les chiites ou quoi. Là, ça ne veut pas dire ça. Donc, ce n'est pas que je me suis levé, c'est une ibada. Dans le sens où, dès qu'il vient, je suis obligé de me lever, c'est une ibada, comme si c'était un texte écrit dans le Coran, dans la Sunna, qu'il faut faire de cette façon-là. Mais c'est parce qu'en réalité, Saad, il était déjà vieux. Il était âgé, il était blessé. Il était blessé dans la bataille, donc il est pris. Donc, elle est là, la illa. Tout simplement, elle est là, la illa. C'est qu'il était en vérité en état d'incapacité. Parce que si c'était une adoration, qu'est-ce qu'il aurait fait le premier? Lorsque Saadi est venu, C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'aurait fait. Et pourquoi il a dit aux gens, levez-vous pour lui? Il l'aurait fait lui d'abord. Et ceux qui sont levés, c'est pas les premiers des compagnons. C'est pas Abu Bakr, c'est pas Omar. Alors comment le prophète il va laisser? Abu Bakr il va laisser, Omar il va laisser, les autres ils l'ont fait. Ça serait les premiers à courir après, hein, à faire en vérité, mettre en pratique cette adoration-là. C'était une adoration. Donc en vrai, c'est pas une adoration. Mais tout simplement, comme on l'a dit, il était blessé. Petit 4. قيام الابن لأبيه والزوجة لزوجها والعكس. L'enfant ou la personne lorsqu'elle se lève pour son père. Lorsqu'on dit son père, on comprend que c'est le père et la mère. L'épouse pour le mari et le contraire aussi. Donc le mari pour l'épouse. Donc ça c'est jaiz, c'est permis. C'est quoi? Donc le hukm c'est quoi? C'est que c'est permis. Et ce hadith rapporté par Al-Bukhari ou Aïcha radiallahu ta'ala anha fi qissatul ifk, dans l'histoire, hein, donc du mensonge sur elle, du mensonge proféré sur Aïcha radiallahu anha. Et ça c'est un dalil comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien envoyé de la part d'Allah azza wa jal. Parce qu'un charlatan, un menteur, il va pas raconter cette histoire et il va pas venir le faire vivre cette histoire et après faire ceci et faire cela et puis il descend d'une balade de cette façon là un menteur, un charlatan, il ne patiente pas autant que ça, un mot. Il aurait dit le lendemain, il aurait pu très bien le dire même le jour même. Alors c'est vrai que les charlatans, ils ont l'habitude de même dépasser ce que les prophètes disent. Ils auraient dit tout de suite, Allah il a dit qu'elle n'a rien fait, Allah il a dit que c'est toi qui as fait. Il aurait pu très bien mentir et inventer, mais comme le Nabi sallallahu alayhi n'est pas menteur, donc même si quelque chose viendrait contre lui, il attend l'ordre d'Allah azza wa jalla. Donc déjà, ça c'est une faïda parmi les faïdes de cette histoire-là. Donc, فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ. Donc ma mère, c'est Aïcha qui raconte, ma mère elle m'a dit, lève-toi pour lui. Donc aussi, on voit qu'il y a la mère de Aïcha, radiallahu, car elle était mal, c'était une période difficile pour elle. Et sa mère venait l'aider. Elle avait besoin de sa mère pour ces moments difficiles. Elle a besoin de quelqu'un qui va quoi? Qui va être proche d'elle dans ces moments difficiles. Fakultu, wallah, inni la akum ilahi, inni la ahmedu illallah azza wa jal. Il dit, wallah, je ne vais pas me lever pour lui. C'est son mari, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, je ne loue qu'Allah azza wa jal. C'est-à-dire, le tawhid, c'est pour Allah azza wa jal. Donc cet acte qui pourrait ressembler à un acte comme si c'était lui, hein, que je devais adorer, là, c'est Allah azza wa jal que je vais adorer. Fakarra, النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة على هذا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a acquiescé, a approuvé ce qu'a dit la mère de Aïcha radiallahu anha. C'est nan, donc tu peux te permettre, ou Aïcha, de te lever. Elle a raison, ta mère. Ça, c'est permis. Parce que c'est le respect qu'il y a en vérité ici entre l'épouse et l'époux. Les liens particuliers qu'il y a entre eux. Donc on profite de ça, hein, que c'est comme Al-Qiyam. On l'entre dans le qiyam, quoi? Les tahni'a. On va le rentrer en vérité, on peut yulhaq. Il est permis en vérité de considérer, c'est comme le fait quand, lorsque tu vas féliciter quelqu'un. Donc ton époux est rentré, la femme est contente, donc elle va se lever pour aller vers lui, mafalan. Hein? Donc l'embrasser ou quoi, mafalan. Elle va aller vers lui. Et quoi? C'est qu'elle n'attend pas qu'il s'assied pour qu'elle s'assied. Elle s'assied. Elle n'est pas demandé d'exagérer. Elle peut un peu se lever pour lui, et ainsi de suite, et même le contraire. Et ça aussi, bien sûr, entre eux aussi, par rapport aux parents, il va voir ça tout de suite. Et dans un autre hadith, de Aïcha toujours, elle dit, « Ma ra'aytu ahadan kana ajbaha samtan wa dallan wa hadyan wa qala al-hasan hadithan wa kalaman bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min Fatima radiallahu anha kanat ida dakhlat alayhi qama ilayha fa'akhazat biyadiha فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. Et ça a été rapporté par Abu Daoud et Ibn Mufleh dans Al-Adab, donc il dit que Isnad Sahih, donc c'est une chaîne de transmission qui est bonne, ainsi que l'imam Tirmidhi aussi, il dit qu'il est Sahih Gharib. Donc Aïcha dit, je n'ai jamais vu, donc c'est-à-dire quelqu'un à voir. Donc le semt, hein, c'est le fait de se taire, d'avoir en vérité un long silence, de réussir à garder un long silence. Et aussi celui qui montre la voie de la meilleure façon, hein, et la meilleure guidée. Et le Hassan a rajouté, ainsi que la meilleure parole, hein, donc le meilleur récit, la meilleure parole, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon de montrer les choses, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, il n'y avait pas mieux que lui. Il n'y avait pas mieux que lui dans cette façon-là. Et donc personne, en vérité, donc était ajbah, ressemblait plus, mais plutôt, personne ne ressemblait plus dans la façon de se taire, dans la façon de parler, dans la façon de montrer les choses, que qui ? Que sa fille, Fatima. C'est normal. Normalement, on va dire que, alhamdoulilah, donc c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été éduquée par lui. Donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'était en vérité ressemblait plus au prophète que Fatima. Radiallahu anha. Hein? Si elle entrait chez lui, si elle est venue voir son père, il se levait vers elle. Donc il se lève. Il se levait vers elle, il la prenait par la main, l'embrassait, hein? Et l'asseyait. Et quoi l'asseyait dans son assiette, là où il était assis. Et la même façon pour elle, que si lui c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entrait chez elle, elle se levait, hein, donc elle le prenait par la main, elle l'embrassait et elle l'asseyait à l'endroit où il s'asseyait. On voit qu'il y a un grand adeb, on voit qu'il y a une grande complicité entre lui et elle. Il y a un grand adeb dans la famille, entre le père et la fille. Donc c'est son père, c'est sa fille. Mais elle reste proche de lui et il reste proche aussi d'elle. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là encore une fois, on a vu dans le témoin argumentatif comme quoi qu'en vérité, donc, hein, qama ilayha et elle aussi qamat ilayhi. Donc elle se levait et allait vers lui. Et lui se lève, il va vers elle. Il se lève, il va vers elle. Donc c'est permis par rapport à l'enfant vis-à-vis du père, l'enfant vis-à-vis de la mère. Et la même chose, les parents vis-à-vis de l'enfant. Et aussi, et ainsi de suite. C'est la même chose pour le reste. Donc bien sûr, donc le ma'na il est âme. C'est-à-dire que le sens il reste général. Donc on entre dedans la mère, el-âme, el-khal, el-khala, Allah a'lam. Donc l'oncle, la tante, les grands-parents et la khayy. Lorsqu'on dit le père, on va considérer que c'est le père. Wa in ala. Même ceux qui sont au-dessus. Le grand-père, l'arrière-grand-père, s'il existait. Hein? Et ainsi de suite. La même chose pour lorsqu'on parle du. Donc le père, le âme, les frères du père. La mère, les tantes. Car en vérité, elles sont du niveau de la mère. Les âmes, ils sont du niveau du père. C'est-à-dire les proches du père, ils ont le même hukm que le père, pratiquement. Et on questionne l'imam Ahmed. Hein, pour la femme qui exagère, regardez, dans le fait de respecter et d'honorer son mari. Hein? Donc, elle va vers lui, elle le rencontre, elle est contente. Nous, on va dire, mashallah, c'est une mar'a saliha. C'est une femme pieuse. Elle lui retire ses habits. Elle reste debout jusqu'à ce qu'il s'assied. Hein? Et elle reste debout jusqu'à ce qu'il s'assied. Et alors, l'imam Ahmed a répondu. Donc, le fait qu'elle va vers lui à sa rencontre, la baisse, il n'y a pas de problème en cela. La baisse, c'est permis. Mais qu'elle reste debout, je reste assise. Non, fala, qu'elle n'exagère pas. C'est-à-dire, en vérité, même là, il y a ne pas dépasser, en vérité, ne pas outrepasser les limites. C'est-à-dire que il n'est pas demandé à la femme d'en faire autant. Alhamdulillah, le fait qu'elle aille déjà vers lui, c'est déjà bien. C'est déjà un khair, c'est déjà une preuve, hein, en vérité, que c'est une femme pieuse. Il ne lui a pas demandé qu'elle reste debout jusqu'à ce qu'il soit assis lui. Non. Car, c'est quoi? C'est en vérité, justement, c'est en vérité l'acte de qui? Des tyrans. Des gens qui aiment bien rabaisser les gens. Hein? Ces gens-là. Les personnes qui sont en plus importantes et qui exagèrent aussi. Ces gens qui sont importantes, c'est peut-être des rois, c'est peut-être des ministres, hein? C'est des gens qui sont riches ou quoi, et ils aiment ça. Ils aiment que les gens soient autour de lui, que s'ils parlent, tout le monde se tait. Hein, que ceci, que cela, mais Mouhim, tout ce qu'il dit, c'est toujours bon, c'est toujours intéressant. Il rigole, on rigole, il passe, c'est triste, on doit être triste, même si c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est, donc voilà, c'est ça le Jababé. C'est ce genre de type de personne, cette catégorie de personnes. Il nous est demandé de ne pas ressembler à ces gens-là. Hatta dans, vous voyez ce détail-là. Même dans ce détail-là, même s'il n'a pas parlé, le fait de qui ça c'est. Alors pourtant là, c'est l'époux et l'épouse. C'est l'époux et l'épouse. Et ça aussi, ça, c'est une leçon pour nous. Lorsque la personne elle dit, lorsqu'elle entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc beaucoup d'hommes l'apprennent par cœur, ils savent que si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner sur quelqu'un, j'aurais dit à la femme de se prosterner sur son mari. Ça fait, toi obéis-moi 100% et ne te mêle pas de ma vie. Moi, je fais ce que je veux. Hein? Toi, tu es toujours en train de... Chut. Ton paradis, il est sous mes pieds. Tais-toi. Et vas-y, je fais n'importe quoi. Je deviens en vérité un... Quoi? Donc, je deviens un tyran dans la maison. Là, c'est pas comme ça. Donc, là aussi, il y a des règles religieuses. Il faut les connaître. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et il donne ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Il dit bien que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec vos épouses. Et je suis le meilleur avec mon épouse. Donc, il vous dit, regardez comment je faisais. Regardez comment j'étais. Parce qu'il vous a montré un exemple. Il a dit, je suis le meilleur. C'est la même chose. C'est comme s'il disait, en vérité, priez comme vous m'avez vu prier. Prenez de moi vos rites pendant le Hajj. Hein? La même chose. Faites vos ablutions de la même façon que moi. Donc, tu vas regarder comment il a fait sa prière. Tu regardes comment il fait ses ablutions. Tu regardes comment il fait son Hajj. Et bien, regarde comment il était avec son épouse. Et ça, c'est une leçon. Tu ne prends pas juste un hadith et c'est toi qui fais le charh. Tu prends un hadith qui te plaît pour être. Hein, il te renforce en vérité. Ça t'aide parce que tu es un homme et tu l'utilises à tout escient, là où tu veux. Là, le dalil, regardez l'imam Ahmed. Les gens, on aurait accepté qu'elle, qu'elle nous retire la veste, ou qu'elle nous retire peut-être les chaussures, les chaussettes, pourquoi pas. On accepterait ça de s'allonger sur le fauteuil et qu'elle fasse cela. Mais pour toi, ce n'est pas demandé. Vous voyez, ce n'est pas demandé. Et on retrouve وَقَدْ أَنْكَرَهُ عُمَرْ ibn Abdel Aziz. Donc avant l'imam Ahmed, Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah a détesté cela. Donc il a détesté cela. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc c'est le salaf ici qui parle. Hein, c'est l'imam Ahmed, c'est Omar ibn Abdel Aziz qui est un grand savant. Lui c'était pas juste un émir, c'était un grand savant. Naam. Ici maintenant on est au petit 5 Al-Qiyamu il qadimi min al-safar ou min safarin. Donc le fait de se lever pour celui qui est venu en voyage, pour celui qui revient de voyage, c'est jaiz, c'est permis. Hukmuhu jaiz, c'est permis. Car les compagnons le faisaient. Donc, il mu'anaka, la takun illa bil qiyam. Mu'anaka, la takun illa bil qiyam. C'est-à-dire qu'il vient, tu peux te lever à ce moment-là, ça sera debout. C'est pas le fait que lui vient, il s'abaisse pour qu'il te dise reste assis, et il te fait la collade, comme souvent nous on fait. Non, en ce moment-là, tu vas te lever, c'est permis. Et ça sera plus simple. Nous, on fait le contraire. On a l'habitude de rester assis parce qu'on a appris qu'on ne se lève pas pour la personne. Donc, on fait tout assis. Et c'est la personne qui arrive, qui s'abaisse, qui te fait. Non, toi, lève-toi. Il est venu de voyage. C'est permis. Et les compagnons le faisaient. Al-Mu'anaka. Donc, la collade. Et un frère m'a donné ça. Donc, il m'a dit, ici, donc il a sorti du dictionnaire en me disant que Al-Mu'anaka, c'est aussi embrassade. On peut l'appeler embrassade. Donc, c'est action de deux personnes qui s'embrassent. Leurs retrouvailles donnèrent lieu à des embrassades chaleureuses. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Donc, pour le coup, on va dire accolade ou embrassade, ou étreinte. Et aussi, donc, Mufanna, hein, Sa'ala Mufanna Abdallah, hein, Abba Abdillah, Ahmed ibn Hanbal. En question de l'imam Ahmed, rahimahullah, ma taqulu. Que dis-tu sur cette embrassade, cette encolade? Est-ce que l'un se lève vers l'autre pour le saluer lorsqu'il le voit? Que personne ne se lève pour qui que ce soit. Mais si la personne, donc la deuxième personne est venue du voyage, je ne vois pas de mal qu'il se lève pour lui. Je ne vois pas de mal en cela. Donc, il dit, et en espérant que cela est fait en vérité pour Allah. Tu l'aimes pour Allah. Donc tu l'aimes pour Allah Azza wa Jal. C'est religieux ce que tu fais. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé qui? Ja'far. Qui de sa famille. Qui fait partie de ceux qui sont partis où? Qui sont partis à Habasha. Qui sont partis à Habasha. Qui l'a rejoint où? À Médine. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était content de le voir, hein, Ja'far arriver. Et il a embrassé où? Ici. Donc entre les deux yeux. C'est entre les deux sourcils plutôt. Fil jelda, ben ane, ba'ineh, ici. Donc entre eux, en vérité, les yeux ici. Donc il a embrassé en vérité en bas du front. C'est aussi de moins il y a moins de takallouf. La personne ne doit pas baisser sa tête. Elle peut rester en vérité même droite. Il est plus facile de l'embrasser comme ça. Pas besoin d'aller loin pour aller embrasser par le haut du front ou quoi. Donc intaha kalamou. Et si c'était, donc si bien sûr la personne venait de voyage, Et que, maintenant, tu es en khutba de Jumu'ah. À ce moment-là, c'est clair que tu ne vas pas te lever pour l'embrasser. Tu vas attendre que la prière se termine. Hein, s'il y a un moment où il nous est demandé la concentration. Et de la même chose avant Sobh. Lorsque les salafs allaient à la mosquée pour présenter Sobh, ils priaient la prière du Sobh. Donc ils attendaient, ils allaient. Maintenant, donc ils faisaient leur sunnah. Ou bien ils faisaient leur zikr. Ou bien ils lisaient le Coran ou quoi. Après, ils priaient en groupe. Après, ils faisaient le rappel, voire jusqu'au shuruk. Après, des fois, ça c'est pour faire une petite assise. Et après l'assise, ils allaient saluer la personne, même si la personne revenait de voyage. Tellement, c'était en vérité, ils avaient besoin de ces moments-là pour commencer la journée. Pourquoi? C'était en vérité leur nourriture, donc spirituelle. C'était tellement fort. Ils voulaient commencer la journée en forte adoration, hein, dans l'adoration forte, qu'ils ne saluaient personne, même si la personne venait de voyage. Donc, vous voyez, il y a des moments précis où on pourra se permettre de ne pas le saluer. Comme faisaient les compagnons, comme faisaient les salafs. Ils n'allaient pas s'embrasser. Ils attendaient jusqu'à la fin. Jusqu'à des fois après Chorok. Ils restaient jusqu'au Chorok. Ils faisaient un rappel entre eux. Ils priaient Doha et après ils s'embrassent. Et après ils se lèvent et ils se saluent. S'ils doivent se saluer. Et si quelqu'un venait de voyage, ben, ils l'embrassaient à ce moment-là. Hein, ils faisaient donc la collade à ce moment-là. Voyez un petit peu pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas casser. Ils ne veulent pas avoir de coupure. C'est-à-dire entre Allah dans la parole, dans le rappel. Et ils ont très bien aussi compris qu'est-ce que ça veut dire en vérité. Et que, bien sûr, certes, les mosquées sont par Allah. Fala tad'u ma'a Allah ahada. Et n'invoquer en dehors d'Allah personne. Eux, lorsqu'ils entrent la mosquée, ils ne regardent pas si toute la bande elle est là. La bande elle est là, je suis bien. La bande elle n'est pas là, je ne suis pas bien. Ça prouve que c'est ta bande qui compte. C'est plus la bande qu'Allah azawajal. Et dès qu'il vient, on reste à côté d'eux, jusque Tahit Majid, jusque plutôt par les Khamas des fois, et on prépare Tahit Majid. Alors que Tahit Majid, c'est la chose la première qu'il a demandé, tu salues même pas les gens normalement. Tu vois, tu fais Tahit Majid. Regarde un petit peu la relation de la personne avec Allah. Regarde un petit peu la relation qu'on a nous avec Allah. La faible relation, la forte relation des plus prédécesseurs. Si on se dit à la fin des salaf, donc voilà à la fin des salaf, on a un exemple. Ça, c'est le matin. On sait bien que dans beaucoup de pays, les gens disent un bon déjeuner, c'est quoi? On mange bien pour tenir la journée. Ben ça, c'est ton bon déjeuner pour tenir ta journée dans ton adoration. L'imam Ahmed, c'est ce qu'il disait. Il est même Ibn Taymiyyah, il disait qu'il a besoin de ça. Al-Ghada'i, j'ai besoin de ça pour. Donc, c'est mon déjeuner. J'ai besoin de ça pour ma journée, pour démarrer ma journée. Comme il le faut. C'est le même Ibn Taymiyyah, rahmallah, qui dit ça. Donc on est arrivé, donc on a terminé. Donc là c'est une fatwa donc de l'imam Ahmed par rapport à cela. Sixième point, al-qiyamu lil-istiqbali 'inda al-qudum. Hada al-qiyam la ba'sa bihi. Donc le fait, c'est-à-dire d'être à la rencontre de quelqu'un lorsque quelqu'un vient, 'inda al-qudum lorsqu'on arrive, donc le fait de se lever pour accueillir quelqu'un, t'accueilles quelqu'un qui vient de loin ou quoi. Wa hada al-qiyamu la ba'sa bihi. وصورته أن يقوم الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان قادم. Il est dans son assise, et puis quelqu'un est venu de loin. Quelqu'un est venu, c'est un voyageur, quelqu'un est venu. Hein, donc il arrive, quelqu'un est venu. Et il se lève en réalité pour accueillir cette personne. إنسان قادم, donc une personne qui est venue, عليه. وقد حمل العلامة ابن القيم رحمه الله الأحاديث الواردة في القيام كحديث قيام فاطمة. للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها له وعلى هذا النوع من القيام كما قال رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث الواردة في القيام والنهي عنه وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم. Donc le fait que personne ne vient, donc il a pris un exemple, il est venu, donc l'exemple de Fatima avec son père. Il est venu, elle a, hein, donc elle l'a accueilli. Donc il considère, donc il, même s'il venait de voyage ou pas. Il le considère comme dans cela, Ibn Al-Qayyim rahimahullah. فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام إلى رجل للقائه لا قياما له وهو وجه حديث فاطمة. Donc pourquoi il se lève? C'est pour l'accueillir. Mais elle n'a pas accueilli parce que c'est lui. Donc lui, il voit que c'est un wajh. Donc il ressort. Le wajh, là en vérité, là c'était parce que c'est lui dans l'autre hadith. Dans l'autre. C'est-à-dire dans le hadith de Fatima, on retrouve deux faïdas. Elle s'est levée parce que c'est son père. Donc là, c'est pour la personne. Et là, elle se lève. Et là, dans ce hadith-là, un wajh, Donc c'est une façon de comprendre le hadith. Ici, qu'est-ce qu'il dit Ibn Al-Qayyim ? Il dit, elle se lève parce qu'il est venu. Vous comprenez ? Donc là, la cause, c'est parce qu'il est venu ici, par rapport à cette parole-là, dans notre texte petit-fils. Tandis que ce qu'on avait auparavant, c'est parce que, bien sûr, c'est selon les liens de parenté. Donc là, c'est les liens de parenté qui vont primer. Et là, c'est quoi ? C'est le fait qu'il est venu. Donc ça veut dire que ça va être âme, ça va être général pour tous ceux qui ne sont pas de la famille. Tu te lèves parce que tu vas accueillir quelqu'un. Il est arrivé chez toi. فَالْمَذْمُومُ الْقِيَامُ لِلْرَجُلِ أَمَّا الْقِيَامُ إِلَيْهِ لِتَلَقِّي إِذَا قَدِمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَهَذَا وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc le fait de se lever pour une personne, parce qu'on revient au premier hadith, hein, que quoi ? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on se lève pour qui que ce soit par rapport à la prière. Il y a une interdiction, mais s'il y a une permission, donc comment on fait ? Comment on fait pour joindre cette permission et cette interdiction ? C'est que là, donc le fait de joindre entre les hadiths qui permettent et les hadiths qui interdisent, c'est justement pour dire que c'est pas pour la personne, mais c'est parce qu'il est venu. Hein, donc il est venu chez toi, tu l'accueilles. Donc c'est en fin de compte pour l'accueillir. Parce qu'il y a une différence entre le fait donc de dire Al-Qiyam les chars, se lever pour la personne et se lever vers la personne, se lever pour aller chercher la personne. Il y a une différence que c'est pour lui, donc tu ne fais pas pour lui, mais tu fais parce qu'il est venu. Donc il y a une nuance entre les deux. En vérité, il va y avoir une nuance entre les deux. Donc ce n'est pas pour la personne, parce que c'est pour lui qu'on adore. Mais c'est quoi ? C'est la façon de faire. C'est en vérité un bon comportement. Donc c'est le comportement qui va primer ici, et ce n'est pas pour lui. Même l'Orkhim Rahmanullah, il voit que le fait de se lever pour quelqu'un, donc il voit que c'est au nombre de trois. Yann Qasimou, il a Flatha Maratib, trois étapes. Qiyamun ala rasi rajul, wa huwa fi'l al-jababira. Le fait de se lever, en vérité, alors que lui il est assis, hein, ala rasihi, c'est-à-dire pour être debout alors que lui il est dans son fauteuil. Et ça, c'est donc des rois et autres. Hein, donc ça, c'est interdit, le fait de faire ça pour eux. Le fait de se lever vers lui parce qu'il est venu, c'est permis. Le fait, dès qu'on l'a vu, on se lève. Et là, bien sûr, il y a un khilaf par rapport au ulama. Et on va voir donc ce que les ulama disent par rapport à cela, par rapport au dernier. Donc septième point, al-qiyamu 'inda ru'yati ar-rajul. On se lève dès qu'on a vu quelqu'un, le fait d'avoir vu une personne. Donc ici, bien sûr, c'est là qu'il y a le plus de paroles. C'est par rapport à ça. C'est là qu'on va retrouver plus de ikhtilaf chez les ulama par rapport à cela. Non. Donc on voit ici la parole de l'imam Ahmed, ou bien ce que rapporte l'imam Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud, et Tirmidhi et autres. Où Abu Mijlez dit que Muawiyah, donc Dakhala Baytan, fi Ibn Amir wa Ibn Zubair. Muawiyah est rentré dans la maison alors qu'il y avait Ibn Amir et Ibn Zubair. Faqama Ibn Amir. Ibn Amir s'est levé. Wa jalasa Ibn Zubair. Et Ibn Zubayr ne s'est pas levé, il est resté ainsi. Faqala Muawiyah radiallahu anhu, ijlis. Donc Muawiyah dit à Ibn Amr, car il s'est levé, il dit assieds-toi. Fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man sarrahu an yatamathala lahu al-ibadu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Et ça, c'est une version d'Imam Ahmed. Et c'est un hadith qui est hasan, qui est bon. Donc ils disent, celui qui veut avoir la bonne nouvelle, hein, qui veut en vérité que les gens se lèvent pour lui, hein, qui aime que les gens se lèvent pour lui, qu'il prépare donc sa place en enfer. Celui qui aime bien ça, que les gens l'élèvent d'un rang bien au-dessus de ce qu'il mérite en vérité, et ça, le fait d'exagérer sur les rangs, sur les gens. Le Nabi, il a bien dit, n'exagérez pas sur moi, comme ont exagéré les juifs et les chrétiens. Avec donc les juifs et les chrétiens par rapport à Issa ibn Maryam. On ne va pas exagérer. Le prophète est interdit pour lui-même. Alors que dire des autres ? que dire en vérité des autres. Qu'il prépare donc sa place en enfer. La même place en vérité que celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ? Celui qui invente un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prépare sa place en enfer. Et là on a la même fin du hadith, mais pour quelqu'un qui aime que les gens se lèvent pour lui. Qui aime ça. Imaginez-vous un petit peu. C'est le même châtiment. C'est en vérité donc du même niveau comme de celui qui est en train de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que c'est chaud. C'est grave. En réalité, c'est grave. C'est pas quelque chose où on devrait comprendre à la légère. Comprendre en vérité à la légère. Donc on voit ici qu'il y a un tahrim, qu'il y a une interdiction. On voit qu'une interdiction, en plus, elle est claire. Il y a un châtiment. À partir du moment qu'il y a un châtiment, donc on comprend que c'est un péché, que c'est une interdiction. Et c'est celui, si quelqu'un vient à faire ça, donc il en vérité l'a commis quoi ? Un grand péché. C'est pas un petit péché, c'est un grand péché parce qu'il y a un châtiment. Lorsqu'il y a une malédiction ou un châtiment ou quoi, c'est parce que c'est un grand péché. Si c'était un petit péché, il n'y aurait pas de châtiment qui viendrait avec ce texte-là. Donc ici, les compagnons, le grand compagnon, hein, celui qui rapporte ce hadith, Muawiyah, donc il a interdit cela. Hein. Et bien sûr, et personne de ceux qui est assis, que ce soit Ibn Zubair, c'est pas n'importe qui Ibn Zubair, hein? Il est de la famille d'Aïcha. Hein? Donc ils ont des liens, donc ils sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a rien dit. C'était faux, ils auraient parlé tout de suite. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas quelqu'un qui viendrait dire quelque chose qui est faux dans l'islam, et les autres ils sont présents, ils se taisent. Ils ont honte ou quoi là. La religion d'Allah, ils se permettent, ils parlent tout de suite. Ils ne laissent rien passer. Et ça, c'était donc quelque chose de connu, on comprend, chez qui ? Chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et en plus, on voit que quoi, qu'Ibn Zubayr ne s'est pas levé. On va pas dire si lui respecte, l'autre ne respecte pas. On va dire à la rigueur, Ibn Amr ne connaît pas le texte. Donc il s'est levé. Peut-être que le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui est pas arrivé. Il n'est pas arrivé quoi à lui. Donc à la rigueur, on peut dire ça. C'est une façon de pouvoir comprendre le texte. On pourrait comprendre aussi qu'Ibn Zubayr connaît le dalil. Il connaît le tahrim, donc il ne le fait pas. Et lorsque Muawiyah a parlé, il n'a rien dit. Donc il approuve cela. Donc après, bien sûr, des gens disent que cela c'est faux. Ibn Qayyim al-Qahtubi répond par rapport à cela. Il répond par rapport à cela. Parce que certains donnent des choubas. Et ça, pour nous, c'est pas intéressant. J'espère que c'est pas intéressant, mais je veux dire, c'est pas plutôt du niveau. Dans le sens où c'est toujours intéressant, mais ça reste pas du niveau. Ainsi que ici Anas, radiallahu anhu, donc il dit: Ma kana ahadun ahabba ilayhim min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanu ida ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi li dhalika. Et c'est un hadith qui est Hassan Sahih, qui est rapporté par le même Tirmidhi. Donc Anas rapporte, radiallahu anhu, personne n'était plus aimé auprès d'eux, donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il venait, lorsqu'il le voyait, il ne se levait pas pour lui. Les compagnons ne font pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des exemples, les compagnons, avec le meilleur et les meilleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, on comprend que tout le reste est en dessous. Donc tout le reste sera automatiquement vain. Ça ne vaut rien. Même si tu voyais faire ça, donc des gens d'importance pour toi. Car les compagnons ne l'ont pas fait envers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc hein, lorsqu'ils l'ont vu, ils ne se sont pas levés car ils savent qu'ils détestaient cela. Et ça ne veut pas dire makruh. Ça ne veut pas dire makruh ici, dans le sens que c'est détestable. Que si tu le fais, tu n'as pas de péché. Hein? Que si tu le sais, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Toi. Mais en vérité, si tu le délaisses, tu avais en vérité des hasanat. Mais en vérité, c'est haram, c'est interdit. Ils détestent cela. Je déteste ce qui est haram. Est-ce que ce qui est haram, tu l'aimes ? Non, tu le détestes. Donc on peut l'utiliser dans la langue arabe. Lorsqu'on voit ici karahiya, c'est pas dans le sens shari, mais c'est dans le sens linguistique. C'est un mot qui est utilisé dans la langue arabe. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas utilisé que dans un contexte juridique, dans le sens que c'est makro ici. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'en vérité, que c'est interdit. Donc voyez un peu. La personne devrait réfléchir sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que comment faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait en vérité ? Ici, il ferme les portes. Il ferme les portes à quoi ? à tout ce qu'il leur a appris dans l'unicité d'Allah Azzawajal et à tout ce qu'il leur a interdit dans le shirk. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il protège, hein, Himaya, minu shirk, lorsqu'il protège contre le shirk, il les a protégés contre tout. Le fait, hein, de, le fait. Donc il les a protégés, les compagnons, contre le shirk, avec la parole, avec les actes, avec le cœur aussi, avec tout. Hein, dans le fait de ne pas accrocher, par exemple, les armes sur les arbres, le fait de ne pas dire, hein, si Allah veut, toi tu veux, et autres, et autres, et autres. Il y a énormément de choses. Tous les détails sont là. Et là aussi, ça rentre aussi dans ça. Il ferme la porte. C'est Saddan, les Zara'ir. C'est afin de fermer la porte à quoi, hein, à quelque chose. Parce que ceux qui viennent après, ce qu'ils font, ils exagèrent, ils ne comprennent pas bien le texte, et ils vont beaucoup plus loin. Et ils vont faire en vérité, ils vont arriver à quoi? À Al-Ghuloub Bissanihin. Ça commence comme ça commence par une petite chose. Et ça se termine par, en vérité, donc un grand péché qui risquerait d'être le shirk. Qui risquerait en vérité d'être le shirk aussi, ici. Donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éduque les compagnons du prophète à délaisser cela et de ne pas, alors que quoi, que les compagnons du prophète aimaient trop le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait énormément et pourtant il ne le faisait pas. Donc l'amour des compagnons envers le prophète, c'est obligatoire qu'il soit encore plus fort que notre amour envers qui que ce soit. C'est obligé et pourtant ils ne le font pas. Donc on a vraiment tous les exemples, les meilleurs hommes avec le meilleur homme. Et donc les meilleurs exemples dans tous ces aspects et même aussi dans l'intérieur, même dans leur amour, même dans leur amour du professeur qui est en vérité plus fort que tous les amours possibles. Donc en vérité, il faut connaître cela. Donc hatta aïmat al-da'wa, donc les aïmma, les imams, même ceux de maintenant, les jeunes d'aïmma et tout, ils interdisent cela par rapport au fait de se lever devant l'Umara ou l'Ulama. On ne se lève pas devant l'Ulama, on ne se lève pas devant l'Umara. Non, comme ça. Donc il ne faut pas faire au bien Ahl al-Fadl. Ils disent que cela serait interdit. Donc il y a une fatwa par rapport à l'Ulama et vis-à-vis de cela. Il y a une fatwa par rapport à cela. Et là, donc, on va passer à notre sujet. Donc qui est Tarku Salam ala Ahl al-Bid'a wal Fisq. Le fait de délaisser le salut chez les gens de l'innovation, ainsi que ceux qui font des grands péchés. Hein, il faut ça. Donc c'est ceux qui ont l'habitude. C'est quoi un fessar? C'est pas celui qui fait une fois un péché ou quoi. C'est celui qui a l'habitude. Donc continuellement, il commet des grands péchés. Donc bien sûr, donc Tarku Salam a un lien avec une mas'ala, un sujet qui s'appelle quoi? Qui s'appelle comment? Al-Hajr. Hein, le fait de délaisser la personne. Le fait de s'écarter de cette personne, al-hajr. Donc, al-hajr, al-ulama, c'est en réalité le fait de ne pas saluer ou de ne pas parler avec lui lorsque tu le rencontres. Tu ne vas pas le saluer, donc c'est tarku salam ou al-kalam, inda mulaqa, lorsque tu rencontres cette personne. Et ça, c'est venu d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit donc la yakun li muslimin an yahjura musliman fawqa thalathatin fa idha laqiyahu sallama alayhi thalatha miran kullu dhalika la yurdu alayhi faqad ba'a bi ithmihi. Donc il est interdit pour le musulman donc de délaisser, hein, ou bien de s'écarter de son frère musulman au-dessus de 3 jours, et s'il rencontre, qu'il le salue 3 fois de suite maximum. Tu peux le saluer, s'il ne répond pas, tu t'arrêtes à 3 fois. Tu lui as salué, il ne t'a pas répondu, tu recommences. Il n'a pas répondu, tu recommences, mais après 3 fois, tu t'arrêtes. Tu ne dépasses plus. Ça veut dire qu'en vérité, cette personne-là ne veut pas te répondre. On va comprendre que peut-être la première fois, il a omis, il n'a pas entendu, il a khili. Mais on voit que des fois, 3 fois, Allahu a'lam, il y a plus de chances qu'il n'a pas omis. Et s'il ne salue pas, s'il ne répond pas à ce salut, donc en vérité, il prend son péché. Donc il aura bien sûr son péché. Et c'est un hadith qui est hassan, qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Mufleh dans le Kitab al-Adab, dit qu'il est authentique, qu'il est bon. Et Shir Islam Temia, rahimallah, a expliqué, hein, de façon succincte le mas'alat al-hajr, le sujet du délaissement, le fait de s'écarter, de se détourner de quelqu'un. Donc il dit, rahimallah, al-hajru, donc le deuxième type, c'est al-hajru ala wajhi al-ta'dib. وهو هجر من يظهر المنكرات Donc le fait de délaisser quelqu'un afin de l'éduquer. Donc il faut bien comprendre. C'est un sujet, en vérité, il faut bien comprendre. C'est pointilleux. Parce que ici, il y a donc deux personnes. Il y a celui qui fait le hajr, et il y a celui qui va subir le hajr. Donc qui est celui qui fait le hajr et qui est celui qui subit le hajr? Car il y a énormément de catégories de qui est celui qui fait le hajr, comme il y a aussi énormément de catégories de celui qui subit le hajr. Fais attention à ça. Donc Amr, c'est pas Zaïd. D'accord? Et Saïd, c'est pas Omar. Donc il faut faire attention à ça. Il faut bien comprendre ce sujet-là par rapport en vérité aux gens, aux catégories de personnes, aux places qu'ont ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont de la science? Et aussi, l'autre, la personne, quel est le péché, la catégorie de péché, il a crédit. Donc il y a plein de choses. Des choses qui entrent en compte. Ce n'est pas un sujet qui est simple. Ce n'est pas un sujet en réalité qui est simple. Parce que c'est précis. Donc ici, c'est afin de l'éduquer. Et aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des péchés, il fait des grands péchés, en public, devant les gens. Donc, la personne va le délaisser jusqu'à ce qu'il se repente. Il continue, donc il le délaisse jusqu'à ce qu'il se repente. Et il continue, il dit, ce hajj, donc cette catégorie, ou ce type de délaissement, et le fait de s'écarter de cette personne, va yartalifu bi ikhtilaf al hajirin fi quwwatihim wa da'fihim. C'est-à-dire qu'on doit faire attention au celui qui va faire ça. Est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible? Si tu t'appelles Ibn Baz et que la personne t'aime, celui qui fait ses grands péchés, et qu'il te respecte beaucoup, bien sûr qu'il va avoir un quoi? Il va avoir en vérité, il va être touché. Mais si tu es un inconnu, si toi en vérité tu es un inconnu et toi aussi en vérité tu commets pas mal de péchés devant lui, il connaît beaucoup de tes défauts. Est-ce que ça sera le même impact? Vous comprenez? Donc il faut faire attention à ça. Il faut savoir comment ça se passe. Qui il est et qui t'es toi aussi. Qui tu es toi, qui il est. Ne crois pas que c'est au même stade pour tout le monde. C'est pas vrai. Donc il faut faire attention à cela. Donc c'est Birtilef, El Hajirin, Fekouwatehim, Wadafehim. Ceux qui vont. Et aussi, Wakilatehim, Wakathratehim. Et aussi, bien sûr, El Hajirin. Qui va faire le Hajj? Est-ce que c'est celui qui a de la science? Est-ce que c'est celui qui n'a pas de science? Est-ce que c'est toute la communauté? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Donc c'est soit en vérité selon le cas. D'accord? Parce qu'il y a des cas qui seront peut-être montrés devant tout le monde, des cas qui seront montrés que devant un petit groupe, et des cas qui seront même peut-être montrés qu'à une seule personne. Donc tout est différent. Il faut bien comprendre cela. Après il dit فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ زَجْرُ الْمَهْجُرُ وَتَأْدِيبُهُ وَرُجُوعُ الْعَمَّةِ عَنْ مِثْلِ حَالِهِ. Il faut qu'il y ait en vérité une faïda derrière, une bonne niya. C'est quoi le but de cela? C'est que lorsqu'on réprimande cette personne parce qu'on ne le salue pas, c'est afin de l'éduquer. Donc il faut que cette éducation, elle lui touche. Si tu ne connais pas, ça ne va pas le toucher. Tu as entendu par les autres, que lui fait ça. Et toi, tu joues le dur devant lui, tu joues le méchant, tu ne le salues pas, tu fais ceci. Lui, toi, il ne te connaît pas. Ça ne le touche pas du tout. Voire même peut-être ça va le laisser dans ça, il va détester les gens. Il va dire, regardez comment ils sont les musulmans, ma femme. Surtout les gens sont faciles comme ça. Une tiquette, il est proche pour beaucoup de gens, malheureusement. Donc il faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Ne le dis pas à n'importe qui pour que n'importe qui fasse n'importe quoi avec. C'est pas ça le but. La maslaha, c'est de le faire revenir vers toi. Donc il y a une faïda derrière. Et si tu veux le faire revenir, donc la façon de faire, elle le fait revenir. Sinon à quoi ça sert? Sinon il n'y a pas de faïda, ça sert à rien sinon. C'est pas le fait de le salir devant les gens, c'est pas ça le but. Ça c'est interdit en islam. C'est interdit, ça en islam dans le vide, de le faire comme ça alors qu'il n'y a pas de raison. Et afin qu'en vérité, donc de façon générale, ils reviennent. Parce que les gens qui savent ça, elle imagine si c'était tout le monde, les gens vont respecter cette façon de faire et lui va revenir. Il s'était mal senti, c'est dur. Et on a l'exemple de quoi? De qui? De Ka'b, Ibn Malik, lorsque les gens l'ont délaissé et qui a fait une tawba qui vaut cher et qui est revenu. Et après, les gens étaient contents de son retour. Lorsqu'il revient, les gens sont contents. C'est terminé. Mangoul Foulen a fait ça il y a 3 ans. C'est terminé. Il a fait une tawba et Allah l'aime peut-être encore plus que toi. Parce qu'Allah il lui a effacé ses péchés et il est devenu tout nouveau. Et au contraire, c'est ça. Hein? C'est le contraire. C'est le contraire. Allah il aime. Il est heureux de le voir revenir. C'est pour ça qu'Allah dit Wahwa al-Ghafur al-Wadud. Certes, il pardonne. Il pardonne qui? Ceux qui se repentent. Wal-Wadud, celui qui aime beaucoup. Allah aime beaucoup, c'est quoi? Pourquoi c'est rejoint ici? ces deux attributs d'Allah, ces deux noms d'Allah. Car Allah aime beaucoup ceux qui se repentent. Wahwal Ghafur al-Wadud. L'Oud, c'est plus fort que le Hub. Et ils sont l'ensemble. Donc on voit comment en vérité on doit faire attention à cela. Ce n'est pas un sujet qu'on va traiter pendant 27 ans. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. On ferme la porte à cette histoire. Une fois qu'il y a une tarbonne, à un moment, c'est une porte fermée. Hein? Donc c'est une nouvelle page qui est ouverte. Et ça, on doit réussir à être comme ça. Ça, c'est un bon comportement à avoir. Donc ici, il dit, Ibn Taymiyyah, rahmallah, il dit, « فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ رَاجِحَةً بِحَيْثُ يُفْدِي هَجْرُهُ إِلَى ضَعْفِ الشَّرْ وَخِفَّتِهِ كَانَ مَشْرُوعًا » S'il y a donc un bénéfice en cela, si en vérité on voit que le fait de le délaisser, donc on doit regarder, si je le délaisse, il y a un bénéfice. D'accord ? Donc je le vois que je vais délaisser parce qu'il y a un bénéfice en le délaissant. Et que ce bénéfice va amener à faire qu'au moins, il va beaucoup, beaucoup, hein, ce péché-là, il va déjà le diminuer, il va moins le faire. Hein, voir ou bien il va moins le faire ou bien il va disparaître. Eh bien, c'est déjà bien. Le fait qu'en vérité, hein, il le fait déjà beaucoup moins, c'est déjà bien. Il l'a enlevé. Donc c'est plus comme s'il faisait énormément. C'est déjà un bien. Donc le fait que déjà il y a ça, comme Faïda, donc déjà, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Je vais faire le Hajj. Parce qu'en le faisant, il va être en vérité touché, il va au moins, imaginez-vous, avant il le faisait en public et en secret. Maintenant il le fait en secret, c'est entre lui et Allah. Mais en public, il a délaissé. C'est un grand bien déjà. C'est déjà un grand bien, c'est un exemple. Hein. Donc ça, c'est mashrou. C'est quoi? C'est légiféré dans l'islam. Wa in kana l'al-mahjur wa la ghayruhu yartadi'u bidhalika bal yazidu shar al-hajiru da'if bihaythu yakunu mafsada yani mafsadatu dhalika rajihatan ala maslahatihi lam yushra' al-hajr. Si c'est le contraire, ni le mahjur, ni la personne qui est concernée et qui a été délaissée, elle est concernée, et ni les autres, hein, ceux qui font peut-être le même péché, mais on n'est pas au courant de leur situation, vont être touchés par rapport à cela. Au contraire, le mal, il va augmenter parce qu'on ne sait pas comment le faire. Hein, toi, tu dis ça. L'autre, tu as entendu de ta part dire ça. Il dit pas la même chose que toi. Hein, faut pas rêver. Hein. C'est pas un séra. C'est pas un hafed pour qu'il dise exactement les mêmes mots que toi. Il va changer. Il va rajouter ou bien il va enlever. T'as dit ça, il dit ça. Et tout l'autre qui dit ça, et à la fin, ça n'a plus rien à voir. Des fois, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est un chat qui est plus grand des fois. Tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi. Et il y a un mal. Et en plus, les gens qui parlent, genre, il n'y a pas de raison qu'ils parlent, parce que ce n'est pas des gens qui sont des bons exemples. Hein, eux-mêmes, il ferait mieux de se regarder, comme on dit. Donc, ça, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui en vérité, qui devrait être touché normalement, il n'est pas touché. Et bien au contraire, ça fait ça quoi? Ça éloigne et ça divise et ça ceci et ça cela. Donc on voit que si c'est comme ça, c'est pas la peine. C'était mieux en vérité de se taire. C'était mieux de se taire. On a en vérité fait quoi? On a fait vivre une fitna qu'on pouvait éteindre, qui était éteinte à l'origine et on l'a allumée. Donc elle était éteinte, ou bien ça aurait pu être propre à une catégorie de personnes, mais la personne a fait l'erreur de mélanger tout le monde dans cette histoire, le savant, l'ignorant, hein, celui qui a les bonnes intentions, celui qui a les mauvaises intentions, et voilà ce que ça ramène. Ça ramène des fois des choses qui en vérité qui touchent tout le monde et c'est une fitna. Donc en ce moment-là, lam yushra al-hajr. En ce moment-là, il n'y aura pas de hajr. Il n'y aura pas de hajr. Bel, le ta'lif, li ba'd an-nas anfa min al-hajr. Voir que des fois, le fait de le rapprocher vers toi, hein, va en vérité plus être profitable que le fait de quoi? De le délaisser. Il commet des péchés. Il y a peut-être, il est nouveau dans l'islam, il est ceci, il est cela, il y a des moments difficiles, il y a peut-être, tu ne sais pas ce qui lui arrivait, donc il lui arrivait beaucoup d'épreuves, c'est une mauvaise période pour lui, ne le délaisse pas comme ça, réfléchis, ne vois pas que le péché, attire-le vers toi, et ça aussi c'est permis, mais des fois les gens ont peur de quoi? Ont peur de ce qu'on va dire les autres, parce qu'on sait que celui-là, il y a ça, hein, il y a un problème dans tel et tel sujet, donc après on va dire, si tu parles avec, c'est comme si automatiquement tu adhères à ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire ça obligatoirement. Au contraire, peut-être que je suis en train de faire un séha, peut-être que peut-être et peut-être. Donc il faut des fois pas voir le contraire automatiquement que c'est comme si c'était en vérité une pomme pourrie qui était rentrée dans un sac de bonnes pommes et qui va pourrir tout. Là, ça peut être aussi le contraire. Moi qui ai une femme, que je lui parle et que je sois doux avec. J'ai peut-être mes raisons, c'est un exemple. Je sais comment faire. Moi je le connais mieux que toi. Toi tu le connais mal. Tu connais que son péché. Mais moi je connais qu'autour de lui quand même beaucoup de bien et je sais que j'ai trouvé en vérité la porte par laquelle je peux rentrer pour l'attirer. Hein, donc des fois, on en demande aussi, des fois, de connaître Ahwal al-Nas, de connaître les gens et leur situation. et de pas prendre les choses brutes comme ça générales et les mettre comme ça et en vérité pas comprendre en vérité ces choses-là. Faut être pointilleux, faut être en vérité intelligent dans ces histoires. Donc là, Chéri dit bien que des fois, donc le fait d'Alifun Nef, donc l'Alifun Nef, c'est-à-dire le fait de, d'acquérir, de conquérir leur cœur en vérité, c'est mieux que le Hajj. Et des fois, c'est le contraire. Il y a des gens, ils vont mieux les délaisser. Dans le sens où lui, il est faible. On le délaisse, ça se peut qu'il quitte totalement. Il quitte les musulmans. Mais il y a des gens, c'est le contraire. Ils sont... Donc lui, il a besoin de le rapprocher. Qu'il faut qu'il se sente en vérité hein, protégé. Il faut qu'il se sente en vérité qu'il y a des gens qui sont autour de lui. On s'intéresse à lui. Ça l'aide. Mais il y a des gens, c'est le contraire. Il y a des gens, ils aiment ce qui est brut. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, en vérité, c'est Tabi'at al-Nas. Il y a des gens, ce qui est brut va en vérité les faire réfléchir. Va les faire réfléchir. Ça lui fait mal. Mais il réfléchit tout de suite. C'est vrai, ce que j'ai fait, c'est grave. Foulaine, c'est des gens bien, je sais qu'ils sont bien. Et je sais que s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Lui, c'est un chir, lui, ceci, lui, cela. Hache-moi ce que j'ai fait. Rib pour ma tête. C'est honte à moi. Honte à moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, justement, je fais Tawba. Je reviens à Allah Azza wa Jal. Et je reviens hein, donc avec la communauté. Donc là, il y a eu un bien de quoi? De faire le Hajj. Il y a eu un bien parce que la personne, en vérité, c'est comme ça. Et des fois, la personne, elle a déjà les capacités de revenir. Elle a déjà le shir, il sait. La personne qui a fait le Hajj, elle sait que lui, il est assez fort. Je peux me permettre d'être dur avec lui parce que je sais que lui, il accepte. Mais lui, je sais qu'il ne va pas réussir, il ne va pas tenir. C'est trop lourd pour ses épaules. Tandis que lui, non, il a le dos solide, comme on dit. Hein? Il y a un dos qui est bien solide. Alors lui, je peux en vérité lui donner, comme on dit, et je peux être comme ça, lui faire le hajj s'il le faut, et ça va lui faire réfléchir. Donc vous voyez qu'en vérité, les gens sont différents. Et même pour celui qui donne, pour celui qui va faire le hajj, il faut que lui aussi soit respectable. Il faut que lui, en vérité, sa parole puisse arriver. S'il n'est pas respecté des gens, ça ne sert à rien. Si c'est quelqu'un, en vérité, que les gens ne prennent pas attention à lui, parce qu'il n'est pas respecté auprès des gens, on connaît de lui celui, cela, ben lui, en vérité, il ne pourra pas toucher les gens. C'est mieux que lui ne se mette pas de ce genre d'histoire. Mais quelqu'un, c'est un chir, il est respecté, on le respecte beaucoup, on sait qu'il craint Allah, on sait que s'il le fait, c'est pour Allah. Donc ça, automatiquement ça touche. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en terminant, « Inna hajjan yata'allafu qawman wa yahjulu akharin » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rapproché des gens et il a quoi? Hein? Et il a délaissé des autres. Kab, qui est mieux que beaucoup de gens, il a délaissé. Ça, ceux qui sont venus à Al-Munafiqun, par exemple, lorsqu'ils ont dit, ils ont demandé, ils ont trouvé des excuses, je ne peux pas venir me battre, il les a laissés. Lakin Kab, il ne l'a pas laissé. Ça, c'est un bon exemple. C'est un vrai exemple. Il a délaissé parce qu'il sait comment ils sont, eux. C'est pas la peine avec eux. Tandis que Kab, là, il sait, il a l'impression qu'en faisant cela, ça va marcher. Ça va en vérité, il y aura un résultat, donc il a utilisé la bonne méthode avec la personne qui peut accepter cela. Il n'a pas délaissé la religion. Il est revenu vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. Car c'est les gens qui sont proches d'Allah. Ka'b ibn Malik, quand il a vu ça, il a dit, il voulait donner tout son argent à Sadaqa. Jusqu'à ce que le prophète lui a dit, donne le tiers, et le tiers est déjà beaucoup. Et de là est venue la règle, hein, vis-à-vis de l'héritage. Que s'il y a un héritage et qu'on veut donner, faire des dons aux gens, on ne dépasse pas, afin que la famille ait quelque chose, on ne dépasse pas le tiers. On ne dépasse pas le tiers, sauf si la famille est d'accord que le tiers soit dépassé. Il faut qu'il y ait un accord de la famille, sinon c'est interdit. Si tu dis que tu as 30 000 euros en héritage, tu as décidé de tout donner, c'est interdit. Tu peux donner que un tiers, donc 10 000 euros. Et 10 000 euros, c'est beaucoup. C'est le maximum que tu puisses donner. Et si tu veux lui donner 12 000, en ce moment-là, il faut que c'est le nom de la famille qui accepte. Ils disent d'accord, tu donnes 12 000, on accepte. Parce que c'est de leur bien, c'est de leur argent, c'est de leur héritage. C'est un exemple. Donc, afin qu'on comprenne comment il est Ka'b ibn Malik. C'est pour comprendre, regardez, un compagnon qui était mahjoub, et pourtant, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, non. Donc la même chose, hein, que ce soit en vérité les ta'dib, hein, ou bien les ta'zir. Donc en vérité, quand c'est de l'histoire de Ka'b, c'est plutôt... On va le rentrer plutôt dans le domaine de quoi? Du ta'zir. Mais pas du ta'dib. C'est plutôt du ta'zir. Parce que lui, il est déjà éduqué. C'est pas un péché qu'il a commis. C'est en vérité, il a fait une erreur. Le fils n'a pas été se battre. Hein, donc il n'est pas parti. Et il n'a pas fait quelque chose qui aurait été meilleur d'aller se battre. C'est pas dans le sens qu'il n'a pas commis un péché en tant que tel. Mais il a délaissé ce qui est meilleur. Et en délaissant ce qui est meilleur, donc c'est interdit. Mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas une éducation dans le sens où tu as commis des péchés. Donc il faut le prendre dans le deuxième type, tazir, et pas tadib. Tadib, c'est en vérité pour ceux qui commettent des péchés. Et bien sûr aussi, il y a aussi donc, bien sûr, selon ceux qui vont commencer maintenant à boire, ceux qui vont. Donc, bien sûr, ceux qui vont continuer, ils sont continuels, ils boivent. Hein, qu'ils font les grands péchés, ils boivent, ils font des choses qui sont contraires à l'islam, il a khélihi. Si la personne, elle le fait en secret, hein, donc comme le dit l'imam Ahmed, chez Ibn Taymiyyah aussi, donc il dit, fa in kana rajulu mustatirran bidhalika wa laysa mu'lanan lahu unkila alayhi sirran wa sutira alayhi. Donc il dit, si la personne ne le fait pas en devant les gens, elle le fait en secret, mais pas en public, on le conseille, hein, donc on le réprimande en secret, et on ne le dit pas aux gens, et on ne raconte pas ce qu'il fait, hein, donc en public. Ça, on reste caché. Le péché, il est caché. Donc ça sera toi qui vas prendre le péché après, parce que tu te dis aux autres, parce que tu l'as prononcé, tu l'as propagé. Pourquoi tu l'as propagé? Quelle est la faïda de le propager? Il n'y a pas de faïda. Tais-toi, va le voir en secret, c'est qu'entre toi et lui. Il y a l'ikhlas, elle est là, la sincérité. Pourquoi tu vas voir les gens? Ouais, je l'ai conseillé. Donc déjà, c'est du rire. Ouais, je l'ai conseillé. Fallait te taire. T'as annulé en vérité tes actions parce que déjà tu l'as dit aux gens. Non seulement tu annules tes actions, et en plus tu commets un grand péché parce que tu l'as montré au grand jour, et Allah Azzawajal déteste ça. C'est les pires des péchés. Donc toi en vérité, tu l'as pas commis, mais tu l'as fait avec ta bouche. Tu as prononcé, hein, tu as propagé son péché en vérité devant les gens. Tu propages ce péché-là devant les gens. Donc il faut se taire. Sauf si son mal en vérité risque de quoi? De se propager. Son mal va se propager. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vend cet alcool, il vend cette drogue, il propage son mal. C'est pas pour lui, il n'est pas caché, il le vend. Il se drogue, mais en plus il le vend. Là, à ce moment-là, tu peux te permettre de prévenir contre lui. Car il touche les autres, il propage. Donc à ce moment-là, il y a une maslaha derrière, c'est d'arrêter. Là, on se peut se permettre. C'était pas qu'il vient, il se drogue en secret, en cachette. Non. Wa idha nahahu mar'u sirran. فلم ينتهي يعني فعل ما ينكف به من هجر وغيره وإذا كان ذلك أنفع من في الدين يعني. Donc bien sûr s'il continue cela alors que tu l'as conseillé, il est permis de le délaisser. Tu l'as conseillé, mais tu le délaisses que entre toi et lui, tu le délaisses. Il y a un hajr. Même si les gens vont comprendre peut-être quelque chose, parce que les gens qui sont malins, ils voient que tu lui parles plus, ils vont se dire quelque chose, mais t'es pas obligé de le dire, tu le dis pas quand même. Tu te tais. Mais parce qu'en espérant qu'il y aura un bien dans la religion, et tu le laisses. Et en général, si tu as su ce qu'il a fait en secret, c'est parce qu'il est possible que tu sois proche de lui. Comment tu l'as su? C'est en général, c'est pas celui qui est loin qui sait ce qui se passe, c'est souvent celui qui est proche. Donc peut-être qu'il y a des liens qui sont forts. Donc en le délaissant, ça va peut-être le toucher. Ça va en vérité le toucher. Donc aussi, Zahaba Jamhur, Ahl al-Ilm, il a annahu la yusallamu ala al-fasiq. Voilà le mubtadi'. Donc la majorité des savants disent qu'il ne faut pas saluer donc celui qui fait ce péché-là et celui qui est innovateur. Donc talqu as-salam ala ahli al-ma'asi sunnatun madiya wa bihi qala kathir min ahli al-'ilm fi ahli al-bid'ah. Et bien sûr donc le fait de délaisser le salut chez les gens qui font ces péchés, c'est une sunna qui continue, qui doit continuer même chez nous. Et beaucoup de savants l'ont dit, ainsi que pour les gens de l'innovation. Naam. Ce qui compte, bien sûr, c'est quoi? C'est que les maslahas, elles sont là. Il faut qu'il y ait une maslaha derrière. C'est pas comme ça. Si c'est comme ça, non. Hein, si c'est comme ça, non. Il faut que derrière, en vérité, il y a un zajr. Hein, il faut qu'en vérité, il y a une illa. Donc une cause. Il faut qu'il y ait une cause. Et là, à ce moment-là, s'il y a une cause et que ça marche, et que la personne. Donc la cause, c'est en vérité de. Et il faut qu'il y ait un but, c'est que la personne va revenir. À ce moment-là, c'est intéressant. À ce moment-là, quoi? Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ça, c'est une sunna. Et la personne va être touchée, elle va revenir vers l'islam. Notre but, c'est pas de l'enfoncer, mais c'est le sortir justement de là où il est. C'est ça le but. Donc, que ce soit même le parent envers son fils. Même le parent, il peut très bien, lorsque son fils commet énormément de péchés, lui dire, sors de chez moi. Okhruj mil bayt, tu fais énormément de mal à la maison. Tu te drogues, tu voles, tu ramènes la police, à 6h du matin, il casse ma porte, L'avocat, c'est trop cher, la khélé. Tu payes pas pour ton fils lorsqu'il commet plein de péchés. Il ne t'obéit pas lorsque, pendant toutes ces années qu'il fait des péchés. Pourquoi tu vas les payer 5 000 ou 10 000 euros l'avocat pour lui? Il ne mérite pas. Paye-lui même pas. Laisse-le comme il est. Afin que tu lui fasses comprendre que cela, c'est pas bien ce qu'il fait. Va le voir en prison et par lui peut-être. Mais laisse-le comme ça. Des fois, il va arrêter à coin, enfin, de serrer. Pourquoi tu vas dépenser 10 000 euros pour lui, pour l'avocat? De toute façon, qu'il y a l'avocat ou qu'il n'y a pas l'avocat, ça ne change pas grand-chose. L'avocat ne fait pas grand-chose. En vérité, la peine, elle va rester pratiquement pareille. Tu bouffes tes sous, tu jettes tes sous, alors que toi, tu en as beaucoup plus besoin que lui dans cela. C'est un exemple. Donc, tu peux être, en vérité, dur par rapport à cela. Et c'est permis de le dire sur la maison. Il se drogue, il prend l'or de ta femme, il prend l'or de tes filles pour aller le vendre à ton voisin et sa mère, qui connaît bien ta mère. Qu'est-ce qu'elle a? Ou ta femme ou quoi? Elle est remplie de ton or. Et toi, tu ne le sais même pas. C'est ta voisine qui a ton or. Parce que son fils, il vend la drogue à ton fils. Râlez ces gens-là. Sors-le de la maison parce qu'il n'y a pas de maslaha avec ces gens-là. C'est les meufs, celles-là. Ça se passe comme ça, ça se passe pas comme ça. C'est un ou deux ou trois du quartier qui ont l'or de tout le monde. Parce que les gens, ils volent l'or de leur mère, ils le donnent. Et la mère, l'autre, elle connaît l'autre. Hein, mais elle est remplie de tout l'or de toutes les mères de ceux-là. C'est quoi ces gens? Donc ces gens-là, en vérité, donc même ton fils, par rapport à ça, tu peux même être dur avec. Enfin, de l'éduquer. De haram dans cela. Il n'y a pas de haram dans cela. En vérité, il faut être. Vaut mieux être des fois, dans ces cas-là, justement, en vérité, serrer la vis. Après que tu l'as fait nasiha, après que tu l'as conseillé, après ceci, tu peux te permettre, même si c'est ton fils, et de le sortir. Ça, c'est connu. Les ulama disent que le fils qui fait, qui ramène des machins qu'il a à la maison, on ne le laisse pas. Parce que généralement, le grand frère, quand il vend de la drogue, les petits frères, ils vendent de la drogue juste après. La fille, elle peut toucher, sans savoir. Elle voit, elle prend. Elle n'a pas de sous dans sa poche. Qu'est-ce qui dit qu'elle se dit, moi je vais lâcher. Moi je ne vends pas de drogue. Qu'est-ce qui dit que je vais pas aller la vendre celle-là à quelqu'un. Je vais me taper 200, 300, 500 euros et puis elle prend l'habitude du haram. C'est un exemple. Tu ne peux pas savoir. En vérité, il ramène le haram et il touche ceux qui sont dans la maison. Ça ne s'arrête pas à lui. C'est rare que dans les familles, c'est un seul voleur et tout le monde ses desseins. En général, c'est souvent les familles complètes qui sont. Hein, ou on voit des familles à rien, ou on voit des familles, c'est presque tout le monde qui en vérité, donc massacrine, donc éclaté, si on peut dire ça comme ça. Généralement c'est comme ça. Pourquoi? Parce que justement c'est lui qui les éduque des fois. C'est celui qui c'est le voyou qui va éduquer ses petits frères et ses petites sœurs dans le haram, dans la vérité dans le haram. Donc même chose pour l'alim, pour son élève, l'élève qui aurait commis des péchés ou quoi, qui aurait commis des choses qui ne sont pas bien, le savant va donc être dur envers lui. Non, le savant il va l'éduquer, il va être dur envers lui. Parce que si un savant il est dur envers son élève, qu'est-ce qu'il fait l'élève? Ça, hein, tout de suite, il réfléchit. Il aimait beaucoup ce savant. Il le respectait beaucoup. Il le respectait encore plus que son père parce qu'il lui donne la science religieuse. Et qu'est-ce qu'il fait par rapport à cela? Je parle beaucoup. Hein. Combien de temps j'ai fait? Une heure et quart. Donc, on va terminer bientôt, Inch'Allah. Bien. Parce que je n'aurais peut-être pas terminé. Donc, c'est par rapport à ça, la même chose. Et aussi, par exemple, donc celui hein, qui aurait une responsabilité. Donc un président, ceci, cela, celui qui en vérité est chef de quelque chose. Celui qui est respecté. Lui, son hajj, il va marcher. Hein, s'il y a une maslaha pour, par rapport à cela. C'est toujours, bien sûr, on recherche en vérité la maslaha derrière. Il faut qu'on recherche la maslaha derrière. Parce que si il n'y a pas d'illa, s'il n'y a pas de cause, ça ne se fait pas. Parce que le hajj, il est ou bien interdit, ou bien détestable, ou bien il est permis. C'est ou bien interdit, ouais, au bout de 3 jours, tu ne veux pas saluer ton frère, donc tu prends des péchés après. Tu n'as pas de raison, comme ça, parce que tu es zaaf, parce qu'en vérité, tu ne retiens pas tes passions. C'est en vérité des quoi hein? C'est des shahwakta, c'est du hawakta. C'est que des passions qui sont en toi. Tu ne salues pas parce que tu es lunatique. Il y a des gens qui sont comme ça. Aujourd'hui, ils saluent, demain, ils ne saluent pas. Il n'y a pas de raison. Et en vérité, il n'y a pas de raison. Ça ne se fait pas. La personne, elle va s'éduquer. Elle va s'efforcer à saluer. Hein, répondez de salam entre vous. Non, ça fait partie de la croyance. Et qui fait le hajj? C'est-à-dire que donc on voit que le hajj, donc non seulement il faut qu'il y ait une raison. Hein, donc le hajj, il faut savoir qui peut le faire. Donc qui peut le faire, comme on a dit le savant par rapport à son élève, ceux qui ont de l'importance. Pourquoi? Donc on a vu qu'il a fait une cause, donc c'est parce qu'il va avoir justement, il a commis telle et telle erreur, donc c'est pour le faire revenir, ou bien pour le faire revenir d'un péché, ou bien parce qu'il a manqué à son devoir, ou parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou parce qu'il a fait quelque chose de mal. Donc il y a deux types, il y a les ta'dib et il y a les ta'ziyah. Et aussi, qui fait le Hajj? Donc le Hajj, il va être concentré dans une catégorie de personnes ou dans un endroit, par exemple, bien particulier. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quelques ulama, ils vont Hajjoun, par exemple, un élève, un étudiant, ou un shir parmi les shiur. C'est qu'entre eux, ils savent qu'il a fait ça, mais eux, ils le savent. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, on fait partie du commun des musulmans, on ne le sait pas. C'est qu'entre eux. Ils vont lui faire le Hajj. Afin qu'il lui profite. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Donc on n'a pas besoin de le savoir. Donc c'est quoi? C'est cantonné à quoi? Une catégorie de personnes, à un endroit bien spécifique. Donc par exemple, c'est pas le Hajj qui doit être propagé à tout le monde. Je téléphone, lui il faut faire le Hajj. Tout le monde le sait. Ça y est, c'est sur Internet, c'est là-bas. C'est pas comme ça le Hajj. Hein? Parce que rentre dans Internet tout le monde. Donc le nouveau et demain la nouvelle et après demain le nouveau et après encore le surlendemain la nouvelle et après les hein. L'autre qui habite à Toulouse sait que celui qui habite à Saint-Quentin a dit ceci, l'autre qui habite à Nice sait ce que celui qui habite à Rouen a dit cela, alors que celui qui habite à Rouen n'est pas connu et celui de Toulouse ne le connaît pas, mais maintenant son nom il est partout, ça à ce moment-là c'est pas demandé. Ça sert à quoi? Ça sert à éduquer les gens à mal être éduqués. Vous voyez, tu t'habitues les gens à mettre à l'éduquer, à quoi se mêler de ce qu'ils ne regardent pas. Ça, c'est pas une éducation. Donc, que les gens craignent Allah, et spécialement ceux qui se permettent d'écrire sur les forums, qu'ils écrivent en vérité que ce qui est demandé d'écrire. Et alhamdoulilah, on a des ulama. On a des ulama spécialistes en plus dans ce genre de domaine. Donc, celui qui veut savoir, qu'il ne s'oppresse pas, qu'il demande. Qu'il appelle s'il peut Cheikh Rabi', qu'il appelle s'il peut Cheikh Obeid, qu'il appelle s'il peut d'autres encore. Et après, il verra. Mais qu'il ne se presse pas. Souvent, les gens, ils font. Et si tu lui dis, « Ala kassal et fidelik, est-ce que tu as demandé ?» Tu vois, il te dit non. Il utilise ça de lui-même. Ça, c'est pas demandé. Il a demandé de revenir au ulama. On revient au ulama dans nos ablutions. On revient au ulama dans l'ordo. Mais dès que c'est des sujets un peu pointilleux, des fois, on essaie d'esquiver. C'est pas comme ça. C'est dans tout. L'islam, c'est tout. On revient chez le ulama dans tout. Et alhamdoulilah, il y a des ulama qui sont bien pointilleux, qui sont très forts dans ces détails, comme j'ai prononcé auparavant Cheikh Rabi' ou autre, on profite d'eux dans ces détails-là. Ils sont vraiment donc pointilleux et connaissent bien donc ce genre de détails. Et à ce moment-là, il nous faudra profiter de leur grande science dans ce genre de domaine. Hein. Et de ne pas s'empresser hein, de faire n'importe quoi en vérité, car souvent on a vu que les sujets, un petit sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il reste des années. Il divise les gens n'arrivent pas à s'en sortir, ils vont au Hajj. Les gens sont de France. Ils vont Hajj, ils vont voir le Cheikh en question, Cheikh Rabi. En 2 minutes, il calme l'affaire. Lui a réussi en 2 minutes et vous n'avez pas réussi. Embrassez-vous, après il s'embrasse et ça se termine. C'est comme ça? C'est bon, alhamdoulilah, Cheikh Rabi est arrangé entre nous. Pourquoi vous n'étiez pas capable de vous le faire? Pourquoi? Pourquoi vous avez attendu 3 ans, 2 ans, 5 ans pour vous diviser, pour diviser toute une communauté? Parce que les gens aussi croient que quand il y a un sujet entre deux personnes, ils pensent qu'ils sont obligés de se mêler. T'es avec qui? T'es avec A ou B? Dis-leur, je suis avec personne. Je suis avec le Coran, la Sunna. L'islam, c'est je suis avec Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis avec le Coran, la Sunna, je ne suis pas avec A ou B. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas les deux qui ont tort? Obligé que c'est un des deux qui a raison. Et il reste derrière. La ville divisée en deux. A, rive droite, rive gauche. On va les appeler comme ça. Rive droite, rive gauche. Ils sont divisés. Voilà, il y a des années. Et ils arrivent devant Chir en 5 minutes, ils règlent l'affaire. Ajib. Alors, je suis étonné. T'as Ajib. Vous avez attendu 5 ans pour lui téléphoner, pour lui poser la question? Ça fait 5 ans sur l'ulama. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de baraka. C'est pour ça, dès le début. Et les autres, pourquoi tout le monde suit? Hommes et femmes, pourquoi tout le monde suit? Obligation? Il y a des histoires qui durent 10 ans chez les salafis dans certaines villes. Rive droite, rive gauche. Pourquoi les deux ont automatiquement raison? Il n'y a pas un parmi vous qui est courageux pour prendre ces choses-là, aller voir le chir lui-même, et dire regardez ce qui se passe, exactement dans tous les détails, avec sincérité. Comme ça, l'histoire, elle se termine. Celui qui fait ça, il y aura quoi? Il y aura énormément de hasanet. Mieux que beaucoup de choses, mieux que beaucoup d'adorations. Parce qu'il aurait réussi en vérité à faire que des vieilles histoires, des vieilles rancunes de village se terminent. Naam. C'est comme ça. Et souvent, on voit que les chefs de ces histoires n'ont pas d'ilm. Et les gens les suivent. Ajib. Anata ajib. Vous dites qu'il faut suivre le ulama. Ben alors, suivez le ulama pour du vrai. Mais pas avec la langue. Pour du vrai. Téléphonez-leur et arrangez l'affaire tout de suite sur place. Vous avez peur de quoi? Dépenser des cartes? Là, il y a entre toi et le shirk que le téléphone portable. Rien d'autre. C'est vrai ou pas? Tu tapes 5, 10, 15, 1 numéro, c'est tout. Et tu arrives à shirk. Et tu lui expliques ta situation. Soyez sincère dans ces histoires. Et ne cherchez pas ce que les gens hein, vous suivent tout simplement. Mon groupe qui est plus nombreux. C'est-à-dire qu'automatiquement, j'ai raison. J'ai réussi à avoir les trois quarts de la ville avec moi. Avec un seul sujet. Et ce sujet-là, et en vérité, personne n'en parle. Il y a vous qui en parlez. Dès qu'on sort de la ville, plus personne ne connaît le sujet. Alors ça ne sert à rien. Si vous mourrez, personne ne vous calculera. On vous aura oublié. Vous n'êtes pas des ulama. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas en vérité être dans justement ce genre en vérité de domaine. Ça, c'est important. Ça, en vérité, c'est important de faire en vérité que les histoires ne sortent pas chez les gens. Parce qu'on éduque mal les gens. On éduque mal les gens dans la salafia. On éduque mal. Et on les ramène justement à quoi ? À parler de tout et de rien. À vouloir tout savoir. Des détails qui en vérité, ce n'est pas des détails, ce n'est pas du ilm. Non. Parce que si le shirk venait te poser des questions, hein, comme le dit Cheikh Mohamed Ben Hadi, ils ne savent pas quand est-ce, hein, à quel moment on va faire passer donc, le complément sur le verbe avant. Est-ce que le complément, quand est-ce qu'il passe avant le verbe dans une phrase, donc dans l'arabe, dans quelle situation ? Et cette personne-là, je ne la connais pas. Et toutes les personnes, je ne les connais pas. Donc il dit, les personnes de France, je ne les connais pas tous. Qui m'appellent, je ne les connais pas. Et si je leur posais des questions, ils ne pourraient pas me répondre. Et pourtant, ils veulent, c'est eux qui décident qui est comme ça et qui est comme ça. Donc ça, ce n'est pas demandé. Ce n'est pas justement demandé. De qui ? De ceux qui sont en vérité en bas de l'échelle. Ceux qui sont en bas de l'échelle, restent en bas de l'échelle. Il apprend les bases, parce que le bas de l'échelle, c'est les bases. Non. Donc, il faut bien sûr, pour ceux, hein, donc il faut en vérité, pour ceux qui ont, donc on va dire, la capacité de faire ce hajj, hein, de quoi ? De le concilier obligatoirement et de le cacher, s'il faut cacher. S'il y a raison de cacher, on cache. Et si, bien sûr, il n'y a pas de raison, à ce moment-là, on ne cachera pas, et ça dépend des situations. Si maintenant son mal a été propagé partout. Hein, son mal a été propagé partout. Si c'est quelqu'un de la sunna ou si c'est pas quelqu'un de la sunna. Hein, ça dépend du mal qu'il aurait commis. Donc à ce moment-là aussi, comme on l'a dit, les détails, on revient à qui ? On revient aux grands savants par rapport à cela. Abdullah ibn Amr dit « La tusallimu ala sharbati al-khamr. Ne saluez pas celui qui boit de l'alcool. » ثم ساق بسنده عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تتخلف عن يعني تخلف عن تابوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى يعني كملت يعني 50 ليلة donc il est resté comme ça كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة الله علينا حين صلى الفجر. Donc regardez, ne saluez pas celui qui donc ne boit pas qui boit de l'alcool. Et puis Kab raconte, il dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsque nous n'avons pas été dans la Ghazwa de Tabouk, le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit que les gens nous parlent. Donc là c'est un hajj qui est âme, donc qui est quand même fort. Les compagnons du prophète ne lui parlent pas, ses meilleurs amis. Et le prophète s'en interdit ça. Il vient, il salue le prophète et il vient en lui-même, et donc il dit en lui-même, est-ce qu'il a remué ses lèvres ? Et j'ai entendu 50 nuits, 1 mois et 20 jours, c'est beaucoup. 50 nuits, c'est presque 2 mois, c'est énorme. Hein ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a fait la dinde, donc il appelle les gens. Et il a, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc c'était répandu chez les gens que Ka'b avait fait cela. Donc de la même façon, il a aussi, le fait qu'il a fait Tawba, il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens que quoi ? Qu'il a fait Tawba. Qu'il a fait Tawba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le bien. Donc si quelqu'un il fait le Tawba, donc on est content. On le propage, pourquoi pas ? Alors tout le monde parlait de mal en lui. Dans l'assemblée des gens qui savaient ça, on va dire, on s'empresse à dire du bien de lui. N'oubliez pas, il a fait Tawba. Donc changez tout de suite votre situation envers lui. N'attendez pas. Car il s'est empressé, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, à le dire. Il s'empresse à dire du bien. Il s'empresse à faire le bien. Et il ne laisse pas la chose comme ça. Il a fait tawba, mais je laisse. Naam. Et ça, c'est déjà vu dans un des forums une fois. Ils parlaient sur quelqu'un, et ils ont dit sur quelqu'un-là. Il a fait tawba, mais on laisse l'histoire afin que ce soit une leçon pour ceux qui vont venir après. Mahadad Kalem. Qui de Juhal, d'ignorant, encore une fois, d'ignorant. Car ils ne connaissent pas. C'est pas là, c'est honteux de ne pas connaître en vérité. Ne serait-ce que cette histoire simplement de Ka'b ibn Malik. Tu ouvres un forum et tu ne connais pas l'histoire de Ka'b. Tu veux enseigner les gens l'islam alors que t'as pas, déjà tu n'es pas parti apprendre et en plus tu ne connais pas les petites histoires, des histoires qui sont connues chez tout le monde. Hein? Des histoires qui sont connues de énormément de gens. Ces livres-là, on les trouve même dans les petits livres pour les enfants. Et les gens, ils viennent, ils veulent t'apprendre en vérité la religion alors qu'ils ne connaissent même pas en vérité les ahkem des histoires des gens. Ça aussi, ce n'est pas demandé. C'est pour ça que les gens, en vérité, égarent et s'égarent. Car ils ouvrent des choses et ils font des erreurs. Ils font énormément d'erreurs. Et ils laissent parler n'importe qui. C'est pour ça que les forums, chez moi, ce n'est pas conseillé. Les forums, pour moi, ce n'est pas quelque chose de conseillé. C'est la porte ouverte à tout le monde. À Boufoulen ou Mfoulen. D'où on a vu ça? Alors, Mfoulen, elle a mis 57 articles. Si tu regardes, c'est quoi ces 57 articles? Qu'est-ce que tu vas voir? Elle a pris de tel site, d'un autre site. C'est que, en vérité, 5 ou 10 personnes, ou 15 ou 20 personnes, qui mettent réellement des sujets, qui se débrouillent, on va dire. Et les autres, ils prennent deux, ils copient, copient-coller, copient. On n'a pas besoin, si c'est ça, il n'y a pas besoin. Laissez-nous tranquilles avec 5 ou 6 sites qui sont purs, qui sont propres, et tout le monde revient vers eux, qu'avoir 250 sites, et on ne comprend plus rien. Pourquoi cette division? Pourquoi cette division? Il faut, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas cette union. Et ça aussi, c'est une erreur. En vérité, ça aussi, ça rentre justement dans les erreurs que les gens font. Regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens. Pourquoi? Parce que c'est un tout. C'est pas demander au premier venu, il y a un forum, allez, j'ouvre. J'ai décidé, j'y vais un petit article, je le mets, et on comprend rien. Et puis, ça passe du coq à l'âne, en vérité, on comprend pas. Ça, c'est pas l'éducation de l'islam. Ça, c'est pas en vérité l'éducation de la religion. Non. Et aussi, donc, dans Al-Adab al-Mufrad, l'imam Bukhari dit, Baboun la yusallimu ala al-fasiq. Donc chapitre, afin j'ai pris le temps de Kamel, mais je crois que Kamel va sûrement faire le dimanche à la plage de Hassan. Hein, donc j'ai pris le temps de Kamel, mais alhamdoulilah, Hassan ne sera pas là brusquement. Donc il y a deux cours de Hassan où on pourra en vérité donc compléter. Mais là, comme c'est un sujet qui est important, pointilleux, peu de gens le connaissent et tout le monde s'en mêle, alors il fallait en parler. Naam. C'est le sujet où on a vu le plus de gens sortir leur nom dans la France. Foulain de telle ville. À 1600 km, on le connaît. Foulain de telle ville, à 200 km, on le connaît. Et si tu regardes, aucun d'entre eux n'a étudié. Là, quand c'était les histoires des histoires, quand c'était le moment des histoires, ils étaient que là en train de parler. Naam. Donc il faut bien remettre les choses en place. C'était pas que chez nous, c'était chez les Anglais, c'était chez les Américains. Là, la différence entre les Anglais et les Américains et chez les Français, c'est qu'ils ont pris leur billet d'avion, ils sont partis voir les chinois, ils ont dit on a dit ça, on a fait ça. Alors comment on fait ça au bas? Ils ont dit, vous faites comme ça, vous avez dit ça, vous avez fait ça, c'est une erreur, et vous faites comme ça. Qu'est-ce que les Français, non. Ils ont juste dit, on tourne la page, mais on ne sait pas comment on va être. On ne connaît pas nos erreurs, on ne connaît pas la taupe. On ne sait pas comment on fait. Ils l'ont pas dit, mais ils l'ont fait. Donc en vérité, ils se sont dit, on va délaisser ça tout simplement, on arrête nos bêtises, mais sans savoir si réellement, ils ont réellement, en vérité, arrêté leurs bêtises, parce que le mieux, c'est quand tu fais des erreurs, c'est que tu vas demander un chir. J'ai dit ça, j'ai fait ça. Alors comment, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais, et comment je devais me comporter? Et ces gens-là, ce sont eux qui ont tout le temps, pas de temps en temps, tout le temps, avec tous les chouyours, quoi? Des dourous par téléphone. Ils ont des dourous par téléphone avec Cheikh Rabia. On en a, nous, en France. Ils ont des dourous par téléphone avec Cheikh Obeid. Des Daura Almiya, on en a, nous, en France. Ils ont avec Cheikh Mohamed Al-Aqid, on en a, nous. Ils ont avec tous les chouyours. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien, nous, les Français. Comment ça se fait? Parce qu'on fait croire aux gens qu'on est proche des chouyours et qu'on est à côté de l'ulama et on ne l'est pas. On est les plus loin. Tout simplement. Donc faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de mentir à soi-même. Hein, et de faire croire qu'en vérité on est ceux qui suivent les ulama. C'est pas vrai. Les Anglais, les Américains, ils font des Daura Almiya. Ils vont à 50, ils vont à 100. Ils vont l'été là-bas à Médine. Et quoi? Ils vont à l'été à Médine. Et quoi? Ils ont l'hôtel. Il y a la mezzanine, ils louent la salle dans l'hôtel. Ils n'ont pas peur de payer. Et le chir vient et leur fait cours. Nous, un chir nous vient. Hein? Alors ça fait des années qu'on n'a pas eu un chir. Chacun téléphone. Je veux qu'il vienne dans mon quartier. Je veux qu'il vienne dans mon quartier. Pourquoi tu ne l'as pas remis dans ma mosquée? C'est quoi ces histoires? Si j'écoutais tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je me coupe en 50. Il est venu à 10 km de chez toi, tu veux obliger qu'il vienne dans ta mosquée. Il n'y a pas ma mosquée. Les mosquées, elles appartiennent à Allah. Et les ulama, ils ont dit, lorsqu'on entend ce verset, « Wa anna al-masajid alillah, fala tadu ma Allahi ahada », ils ont dit, l'interdit de dire « ma mosquée ». C'est haram en islam de dire « ma mosquée ». Masha'Allah, toute ta vie, tu n'as jamais étudié, et cette fois-ci, il vient à 5 km de chez toi, tu viens qu'il mette devant ta porte. pour dire aux gens qui viennent devant ta porte, c'est quoi? C'est quoi ta niya? Déplace-toi, les gens ils se déplacent. L'imam Ahmed pour un hadith, il va voir l'imam Sam'ani, d'où? D'Irak, en Syrie, au Yémen. Pendant 3 jours, il porte du bois pour manger. Pour un hadith, l'imam Ahmed. Et toi, tu veux qu'il y ait à 5 km de chez toi, tu viens qu'il vienne à ta porte. Et tu fais des ma'anas. Tu fais des sens, tu attaques tes frères de ceux qui sont occupés de cette daura ou de ces chouyours. Tu fais des ma'anas. On n'a pas besoin de tout ma'anas. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, les frères. Celui qui aime la science, il court chez le alim. On devrait louer Allah d'avoir un savant qui vient à 5 km de chez nous. Ça, normalement, on ne rate pas une goutte des paroles qu'il prononce. Une parole, on ne la rate pas normalement. On note tout. Il va à Paris, on le suit. Viens dans ma ville à 40 km. Viens dans ma ville à 50 km. Toi, déplace-toi, Harry. C'est pas le savant qui va chez toi, c'est à toi d'aller vers la science, c'est pas la science de venir vers toi. Ne fais pas croire donc, que tu es un talibin. Tu es en train de me dire, Ehi, je ne suis pas un talibin, mais voilà comment je parle. Automatiquement, moi, après, j'ai une mauvaise image de ces personnes-là. Pas moi, moi et tous ceux qui sont comme nous, on a une mauvaise image de ce genre de personnes, de cette catégorie de personnes. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être en vérité parmi ceux qui vont vers la ulama. Vous l'apprendre. L'été, il y a quoi? L'été, il y a des daura ilmi à Médine. Ça commence de juin en août. C'est quoi? Tu as peur de dépenser 1000 euros? Tu fais la omra. Et tu restes et tu suis les chouyours. Il y en a qui font ça. Il y a quoi? Il y a une daura al-miya pendant 15 jours à Médine. Et juste après, ce sera à Jeddah, ou à Sametha, ou à Riyad, ou à là-bas. Les ulama, ils sont là. Tu n'as pas envie d'en voir en face de toi, hein, des gens comme Cheikh Souhaimi, Cheikh Obeid, Cheikh Al-Abed et compagnie? Non, tu n'as pas envie. Et c'est pour ça que tu n'y vas pas. En réalité, c'est pour ça que tu n'y vas pas. Parce que ça ne t'intéresse pas. Et c'est quoi ça? Ça, c'est pas talab al-ilm. Ça, c'est al-i'rad. Al-ilm, c'est le fait de se détourner de la science d'Allah Azza wa Jal. C'est pas normal que ces grands savants, il n'y a que 50 personnes qui y profitent, ou là que 70 personnes, au maximum 100 pour le monde entier. C'est quoi? C'est pas. Et après, si, cet été, j'ai envie de bouger. Je vais aller bouger avec ma famille, prendre l'air un petit peu. Il n'y a pas de maison à louer dans le sud, ou il n'y a pas. Je vais aller peut-être aller dans tel pays, ou dans ceci, ou dans cela. Là, va en vérité en Arabie. Parce que, à Médine, pourquoi? Parce que non seulement tu vas changer, tu fais ta omra, et en plus tu profites des ulama. C'est une ni'ma. Et surtout pour celui qui a les moyens. Et surtout pour celui, par exemple, qui va dire j'ai une petite famille, ou bien j'ai pas d'épouse. Et il peut. Et ça, c'est en vérité le vrai talab. Reste 15 jours avec eux. Tu vas te souvenir que quand tu vas rester 15 jours avec eux, tu vas te souvenir que tu vas dire, Allah, ça c'est mieux que tout ce que j'ai vu dans ma vie. C'est meilleur que tout ce que j'ai vu dans ma vie. Un das bar de soupe, un bar de l'asar, un bar de l'marlab et un bar de l'aïcha. 4, voire 2 bars de soupe des fois. Ça fait 5 das. Tu es libre après. Tu pries. En général, entre marlab et l'aïcha, c'est chez l'abed. Ils font exprès. Donc le grand savant de Médine, il le fait à Majid Nabawi. Comme ça, en plus, toi, tu es entre marlab et l'aïcha, tu peux prier à Majid Nabawi. Parce que là, c'est à Majid Akriblatein. Et ça, c'est un parmi les exemples. Parce qu'ils sont, en plus, les cours, on va dire, les gens, ils disent, on se ment à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on dit, ouais, c'est bon, les cours ils sont sur internet. Bila Alek, tu les écoutes. Et c'est bon, il y a ceci, je peux le GK1, GK, hop, USB, et c'est bon, j'écoute tout. C'est pas vrai, on n'écoute pas. Malgré tous les livres, les cassettes, les soucis, les cela, tu n'écoutes pas. Parce que tout est là. Tout est dans la question de la nia. Tout est dans la question, en vérité, de l'intention dans cela. Non. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un rappel. Pour moi-même d'abord, en premier. Et c'est aussi pour tous nos frères hein, de France qui, soi-disant, aiment la science religieuse. Et alors, bismillah, allez profiter. Dites-vous que y a moyen de se rapprocher des ulama. Donc faites-le. Faites-le, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc faites-le par vous-même. Et profitez de vous-même par rapport à cela. Surtout ceux qui sont jeunes. Des fois, ils n'ont pas de choses. Ils ont peut-être petite famille, ils ont les moyens, ils peuvent y aller. Donc je conseille en vérité à tout le monde, et spécialement ceux qui ont en plus les moyens et qui ont des fois le temps libre et l'akhiri. Ne laissez pas passer en vérité ces opportunités. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Hein, donc, peut-être plus tard aussi, parce qu'il y a encore pas mal de choses, il y a pas mal de sujets importants. Donc on est sorti du sujet, mais ça reste important parce que c'est un sujet important. En vérité, ça, c'est un sujet dans le sujet, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais sûrement prendre un dars de Hassan, parce que le frère Hassan n'est pas là, donc je vais sûrement prendre un de ces dars samedi. Ou tu veux prendre samedi et moi je prends le dimanche. C'est pris totalement, on leur donne totalement le truc. Alors, ouais, donc je peux prendre le dimanche au Maghreb, c'est ça. Donc moi je vais faire, toi tu feras ça, tu fais dimanche à quelle heure? Donc je terminerai inchallah azawajal dimanche au Maghreb. Barakallahu fikoum wa afwan ala al-it'a. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.